Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la radiodiffusion française vous présente en transmission différée la diffusion du spectacle de la Comédie française, Salle Richelieu à Paris. Dans quelques instants, vous pourrez écouter au cours de notre transmission, en première partie, Chacun sa vérité, parabole en trois actes de Luigi Pirandello, version française de Benjamin Crémieux, et en deuxième partie, pour terminer le spectacle, Le commissaire et bon enfant, comédie en un acte de Georges Courteline et Jules Lévy. La présentation de cette transmission a été confiée à M. Edmond C. Nous lui cédons le micro. C'est au lendemain de la guerre de 14-18, en 1923, que le nom, le talent ou le génie si particulier de Pirandello nous furent révélés lors de la création de six personnages en quête d'auteur à la Comédie des Champs-Élysées. Ce fut une fulgurante découverte pour les spectateurs, due non seulement à l'essence même de la pièce, mais à son étonnante présentation, une sorte de petit événement dramatique, une date essentielle dans la carrière d'un écrivain promu du jour au lendemain à une triomphante renommée. Depuis cette époque et jusqu'à l'heure de sa mort, elle n'a cessé de s'accroître chez nous et d'autres pièces de lui, représentées depuis un peu partout et presque toutes avec un vif succès, suscitèrent en sa faveur une sorte de frénésie d'engouement passionné. Ce fut à qui célébrerait en termes enthousiastes ces comédies si ingénieuses, si subtilement agencées, et à en croire ses turiféraires, des comédies étrangement neuves, hardies, significatives et profondes du point de vue non seulement théâtre, mais philosophique, idéologique et humain. Désormais, ce qu'on nommait alors le pirandellisme fut à l'ordre du jour ou du soir, devint en matière d'art dramatique comme parole d'évangile, et cependant, comme il se produit toujours en de telles circonstances, une réaction se destina par la suite en sens contraire, et quelques critiques, et non des moindres, ramenèrent l'art pirandellien à une sorte de primarisme intellectuel fait pour en imposer surtout aux gens un peu ignorants et trop crédules. À la vérité, il conviendrait, je crois, de faire un triage parmi les multiples productions de Pirandello. Si des pièces comme Tout pour le mieux, Comme ci, comme ça, L'homme, la bête, la vertu, ne sont guère en effet que des exercices de virtuosité, cérébrale, un peu artificielle parfois, des œuvres comme Six personnages en tête d'auteur, comme Vêtir ceux qui sont nus, dont Madame Simone fit jadis à la Renaissance une inoubliable création, et surtout comme Henri IV, où Pirandello rejoint parfois Shakespeare, anime des personnages d'un relief admirable, des situations d'une nouveauté, d'une audace et d'une acuité pathétique. Et lorsque l'intellectualisme de l'écrivain prend ses racines dans l'humanité, il faut saluer en lui un esprit créateur d'une rare puissance, un psychologue, un animateur et un constructeur dramatique exceptionnellement doué. Ses qualités, elles s'affirment avec une souplesse et une maîtrise singulière, dont chacun sa vérité. Le thème générique de la pièce, comme celui de six personnages en quête d'auteur, un des thèmes familiers de Pirandello, est fondé sur l'impossibilité où nous sommes de discerner la fiction de la réalité. Allant plus loin que notre thème, qui disait jadis la perception extérieure est une hallucination vraie, l'auteur abolit ici le dernier terme, le terme vrai, et il nous montre les habitants d'une petite ville surexcités par une fiévreuse curiosité, avide de résoudre un troublant problème concernant la vie d'un chef de bureau, sa vie intime, et c'est une bizarre histoire, une histoire de fou, c'est le cas de le dire, dont tout le monde prétend avoir le dernier mot. Mais au fur et à mesure que l'enquête avance, menée par les divers personnages, l'obscurité s'épaissit, et quand chacun, après une série d'interrogatoires, de recherches, de confrontations, s'imagine avoir résolu l'énigme, elle demeure insoluble, car, et c'est la conclusion de la pièce faite par un sarcastique raisonneur, impossible de connaître la vérité sur quoi que ce soit. Et nos vérités ne sont que des croyances individuelles basées sur nos instincts, nos passions et nos illusions, et nos besoins. De ce thème philosophique d'ordre universel jaillissent des scènes d'une cocasserie grinçante et amère, teintée çà et là d'une piquante observation des êtres et du monde provincial. L'alliage le plus attrayant qu'on puisse rêver et qui tient, vous vous en rendrez compte, du début à la fin, le spectateur en état de haute tension et oscillant sans cesse savoureusement entre la curiosité, l'angoisse, la pitié et la frange d'été. J'entendrai après, comme chacun sa vérité, l'acte célèbre de Courteline et Jules Lévy, Le commissaire et bon enfant, que la Comédie française a eu l'heureuse idée d'inscrire à son répertoire où il rejoindra les autres chefs-d'œuvre du glorieux écrivain Bouguereau, La peur des clous, la paix chez soi, etc. Vous verrez la puissante drôlerie qui s'en dégage grâce à l'incomparable trio d'interprètes Jean Meyer, Seigné, Emmanuel. Et le commissaire est bon enfant. Non, le commissaire est bon enfant, c'est encore un peu comme Chacun sa vérité, une histoire de fou. Et l'on pourrait dire qu'un vent de folie souffle en ce moment sur la comédie française, mais c'est un vent généreux, bienfaisant, et qui souffle surtout de la joie sur tous les spectateurs de la salle. Voici quelle sera la distribution de Chacun sa vérité. Jean Dubucourt interprétera le rôle de Lambert Laudisi, Jean Meyer celui de M. Cirelli, Jean Davy le préfet, Ledoux, M. Ponza, Marcel le marchand et domestique, Jean Le Goff, deuxième monsieur, Louis Aymon, le commissaire Centuri, Jacques Ezer, M. Agazzi, Henri Marchand, le vieux monsieur, Mme Berthe Bovy, Mme Frolla, André de Chauveron, Agazzi, Mme Agazzi, Jeanne Faber, Mme Nenni, Germaine Kerjean, Mme Chini, Hélène Bourdan, Mme Cirelli, Geneviève Martinet, Mme Ponza et Eliane Bertrand, Dina. Décor de Suzanne Lalique. La mise en scène est de Charles Dulin. L'action se passe pendant les trois actes dans un décor unique, un grand salon de province, très bourgeois, chez le secrétaire général Agazzi et sa famille. Alors, il est allé se plaindre au préfet. Mais voyons, Lambert, c'est un de ses subordonnés. Son subordonné à la préfecture, mais pas chez lui. Mais pardon, il est venu loger sa belle-mère à côté de nous, sur le même palier. Est-ce qu'il n'en avait pas le droit? Il y avait un appartement de libre. Il l'a loué pour sa belle-mère. Attendez-vous par hasard que la belle-mère était obligée de venir faire une visite à la femme et à la fille d'un supérieur de son genre. Mais il n'est pas question d'obligation. C'est nous qui sommes allés les premières, Dina et moi, par cette personne, et nous n'avons pas été reçus, comprends-tu? Que diable ton mari est-il allé faire chez le préfet? Prétend-il imposer d'autorité un geste de courtoisie? Une juste réparation? Oh. On ne laisse pas ainsi deux femmes devant une porte. Ben, tout cela est abusif, c'est de la pure tyrannie. Les gens n'ont-ils plus le droit de rester chez eux si ça leur fait plaisir? C'est toi qui ne veux pas tenir compte que nous avons voulu nous montrer aimables les premières envers une étrangère. Non, pardon. Allons, tonton. Bon. Calme-toi. Nous avouons. Bon. Nous reconnaissons que dans notre politesse, il entre un peu de curiosité. Mais enfin, c'était bien naturel. Oh, naturel parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Mais non, tonton. Oh. Écoute, tu es là, tu ne fais pas attention à ce que font les autres autour de toi. Très bien. Alors, j'arrive. Et sur ce guéridon, je place avec le plus grand sérieux... Supposons les savates de la cuisinière. Ou le savate de la cuisinière n'ont rien à voir là-dedans. Tu vois, tu t'étonnes. Tu considères ça comme une extravagance et tu m'en demandes tout de suite la raison. Oh, petite peste. Tu es une fine mousse, toi. Oui, mais tu as affaire à ton nom, tu sais. Bon, tu es venu placer sur ce guéridon les savates de la cuisinière. Pourquoi? Tu l'as fait exprès. Pour provoquer ma curiosité. Et dès lors, tu ne peux me reprocher de te demander, mais pourquoi, ma chérie, as-tu placé là les savates de la cuisinière? Bon. Alors prouve-moi que ce monsieur Ponza, ce rustre, ce polisson, comme l'appelle ton père, est venu exprès loger sa belle-mère sur le même palier que vous. Il ne l'a pas fait exprès, je te l'accorde. Mais tu peux nier que ce monsieur vit d'une façon si étrange qu'il provoque tout naturellement la curiosité de la ville entière. Écoute, il arrive. Il loue un petit appartement au dernier étage de cette grande bâtisse lugubre, là-bas au fond du faubourg. Oui. Tu la connais? Je veux dire, y es-tu déjà entré? Tu y es peut-être allé y voir, toi. Mais oui, tonton, avec maman. Et nous n'avons pas été les seuls, tu sais. Tout le monde est allé la visiter. Oh, il y a une grande cour toute sombre, on dirait un puits. Et tout en haut, une balustrade de fer qui court le long de la corniche du dernier étage, avec de petits paniers qui pendent au bout de ficelle. Bon, après. Comment après? Il a séquestré sa femme au dernier étage. Et sa belle-mère vit ici, à côté de nous. En attendant, la belle-mère a un joli petit appartement au centre même de la ville. Merci pour l'appartement. Il l'a mis à vivre séparé de sa fille. Et qui vous l'a dit? Et si c'était-elle la belle-mère qu'il désirait pour avoir plus de liberté? Non, tonton, on sait que c'est lui. Pardon. On comprend parfaitement qu'une fille, en se mariant, abandonne la maison de sa mère et aille vivre avec son mari, au besoin, dans une autre ville. Mais qu'une pauvre mère, ne pouvant se résigner à vivre loin de son enfant, la suit, et que dans cette ville, où elle est étrangère, elle se voit contrainte à en vivre séparée, eh bien, tu admettras qu'une chose pareille ne se comprend plus massivement. C'est que vous avez des imaginations de tortue. Il doit y avoir par sa faute ou par celle de son gendre une telle incompatibilité d'humeur que tout naturellement... Comment entends-tu incompatibilité d'humeur entre une mère et une fille? Mais qui te parle d'une mère et d'une fille? Mais oui, entre la belle-mère et le gendre, il n'y a rien. Mais ce qui ne pourrait s'y dire pas. Mais parfaitement, la belle-mère et le gendre, c'est ce qui stupéfie tout le monde. Tous les soirs que Dieu fait, il vient ici tenir compagnie à sa belle-mère. Et même pendant la journée, une ou deux fois par jour. Prétendez-vous par hasard qu'il y a quelque chose entre la belle-mère et le gendre? Oh, tu plaisantes. Oh, si tu la voyais, c'est une pauvre petite vieille. Et il ne lui amène jamais sa fille, jamais au grand jamais, il amène sa femme, voire sa mère. Eh ben, la pauvre femme doit être malade, elle ne doit pas pouvoir sortir de chez elle. Mais non, la mère va là-bas. Ah, elle y va, oui, mais pour voir sa fille de loin, on sait de sources certaines qu'il est interdit à cette malheureuse de monter jusqu'à l'appartement de sa fille. Elle ne peut lui parler que d'en bas, du fond de la cour. Du fond de la cour, entends-tu? Mais à sa fille, qui se penche à son balcon comme du haut du ciel. Cette pauvre femme entre dans la cour. Elle tire sur la ficelle du petit panier, là où une clochette sonne. Sa fille se met au balcon. Et sa mère lui parle du fond de ce puits. La tête en l'air, comme ça. Vas-tu imaginer? Madame. Qu'est-ce que c'est? Monsieur et Madame Cyril, avec une autre dame. Faites entrer. Allô. Oh, chère madame, je me suis permis de vous appeler ma bonne amie, madame Chini, qui avait le plus grand désir de faire votre connaissance. Très heureuse, madame. Ma fille Dina, mon frère, Lambert Laoudizi. Oh, asseyez-vous donc, madame. Bonjour, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, chère madame, nous venons chez vous comme à une source. Nous sommes de pauvres créatures assoiffées de renseignements. Mais de renseignements sur quoi, chère madame? Mais sur le nouveau conseiller de préfecture. En ville, on ne parle que de ça. Nous brûlons de curiosité. Nous ne savons rien de plus que les autres, je vous assure. Oui, ils n'en savent pas plus que nous. Ils en savent peut-être moins que moi. La raison pour laquelle cette pauvre femme ne peut monter voir sa fille dans son appartement, par exemple... La connaissez-vous? J'étais justement en train d'en causer avec mon frère. Vous me faites tous l'effet d'être devenu fou. Oh, mais c'est parce que son gendre les lui défend. Explication insuffisante, mademoiselle. Absolument insuffisante. Il y a autre chose. Une information toute fraîche, confirmée à l'instant même. Il l'enferme à clé. Sa belle-mère? Non, madame, sa femme. Sa femme. À clé? À clé. Tu entends, tonton? Toi qui voulais l'excuser? Comment tu voulais excuser cet homme? Moi? Mais je voulais pas l'excuser du tout. Mais non, je dis que votre curiosité, j'en demande pardon à ces dames, est insupportable. À cause même de son inutilité. Comment ça? Mais inutile, mon cher, inutile. Inutile qu'on veuille se renseigner? Se renseigner? Et que pouvons-nous savoir des autres, chère madame? Ce qu'ils sont, comment ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et pourquoi pas, en s'informant. Ah, alors, chère madame, s'il y a quelqu'un qui doit être bien informé ici, c'est vous, avec un mari comme le vôtre qui est toujours au courant de tout. Ah non, mon cher, écoutez la vérité. La vérité, chère madame. Avec mon mari qui se vante d'être toujours au courant de tout, je ne réussis jamais à savoir quoi que ce soit. Naturellement, elle ne se contente jamais de ce que je lui raconte. Elle se figure que les choses sont toujours autrement que je le dis. Elle va même plus loin. Elle suppose que c'est le contraire qui est vrai. Mais bien sûr, tu me racontes des histoires à dormir debout. Et vous permettez, madame, c'est moi qui vais répondre à votre mari. Mais comment veux-tu, mon cher, que ta femme se satisfasse de ce que tu lui dis, si, comme c'est tout naturel... Tu lui montres les choses telles qu'elles t'apparaissent. Comme il est radicalement impossible qu'elles soient. Ah non. Là, ici, madame, c'est vous qui avez tort. Excusez-moi de vous contredire. Pour votre mari, soyez-en certaine, les choses sont bien telles qu'il vous les dit. Je les donne pour ce qu'elles sont en réalité, ni plus ni moins. Non, jamais de la vie, tu me racontes des histoires de brigands. Ah, c'est toi qui te trompes et non pas moi. Aucun de vous ne se trompe. Je vais vous le démontrer. Vous permettez? Je commence. Là. Vous me voyez tous les deux? Non, vous me voyez bien? Naturellement, nous le voyons. Ne répondez pas si vite. Approche-toi. Approche-toi. Pourquoi? Vas-y donc. Tu me vois bien? Non, regarde-moi mieux. Là. Touche-moi. Et touche le dent. Bon, parfait. Maintenant, tu es aussi sûr de me toucher que de me voir, n'est-ce pas? Tu ne peux pas douter de toi. Eh bien, retourne à ta place. Reviens donc à ta place. À vous maintenant, chère madame, d'approcher. C'est moi qui irai jusqu'à vous. Vous me voyez bien. Eh bien, levez cette jolie petite main et touchez-moi. La jolie petite main. Elle. Non, ne faites pas attention. Vous aussi, vous êtes aussi sûr de me toucher que de me voir, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas douter de vous-même. Mais je vous en supplie, ne dites ni à votre mari, ni à ma sœur, ni à ma nièce, ni à madame... Madame Chini. Chini, que vous me voyez. Sinon, tous les quatre vous répondront que vous vous trompez. Mais vous ne vous trompez pas du tout. Je suis bien tel que vous me voyez. Mais n'empêche que je suis non moins réellement tel que me voit votre mari, ma sœur, ma nièce et madame. Chini. Chini, eux non plus ne se trompent pas. Comment? Vous changez? Mais naturellement, chère madame, je change. Et vous, croyez-vous que vous ne changez pas? Oh non, non, non, moi je vous assure que je ne change jamais. Ah ben moi non plus, à mon point de vue. Et je puis vous affirmer que vous vous trompez tous si vous ne me voyez pas tel que je ne vois moi-même. Mais n'empêche que ma présomption, tout comme la vôtre, est injustifiée. Mais tout cet embrouille à Milly, c'est pour arriver à quoi? Pour arriver à quoi? Enfin ben, elle est bien bonne celle-là. Comment? Je vous vois acharné à savoir ce que sont les êtres et les choses, comme si les êtres et les choses en soi pouvaient être ceci ou cela. Mais alors, d'après vous, on ne pourrait jamais savoir la vérité. Mais alors, si on ne peut plus croire ni à ce qu'on voit, ni à ce qu'on touche... Oh, mais si, madame, il faut y croire. Seulement, je vous dis, respectez ce que voient et ce que touchent les autres. Même si c'est le contraire de ce que vous voyez et de ce que vous touchez vous-même. Oh, moi, écoutez, je vous tourne le dos et je ne vous parle plus. Je n'ai pas envie de devenir folle. Bon, je ne dirai plus rien. Continuez de parler de Madame Frolla et de son gendre. Je ne vous interromprai plus. Ah, Dieu soit loué. Tu ferais mieux, mon cher Lambert, de passer dans une autre pièce. Mais c'est ça, tonton, va-t'en par là. Non, j'ai mieux resté à vous écouter. Mais je ne dirai plus rien. Non, je vous le promets. Seulement de temps en temps, avec votre permission, je rirai. Et dire que nous étions venus pour savoir. Mais voyons, chère madame, votre mari n'est-il pas le supérieur de ce monsieur Ponza? Le supérieur à la préfecture, mais non pas chez lui, chère madame. Je comprends bien. Mais vous n'avez même pas tenté de voir la belle-mère qui habite le même palier que vous. Mais si, madame, deux fois. Oh, mais alors, vous lui avez parlé? Nous n'avons pas été reçus, chère madame. Oh. Comment cela? C'est possible. Ce matin même, la première fois, nous sommes restés plus d'un quart d'heure à la porte. Personne n'est venu nous ouvrir. Nous n'avons même pas pu laisser notre carte de visite. Nous y sommes retournés aujourd'hui. C'est lui qui est venu nous ouvrir. Ah. Quelle tête, hein? La tête de cet homme met tout le pays sans dessus-dessous. Et puis cette façon qu'il a d'être toujours habillé de noir. Ils sont tous les trois habillés de noir. Oui, la fille aussi. Mais puisque personne n'a jamais vu la fille, je te l'ai dit sans froid. Elle doit sans doute être habillée de noir, elle aussi. Oui, ils sont originaires d'un petit village de Sicile. Celui qui a été détruit, paraît-il, complètement. Oui, par le tremblement de terre à Ratsol. Il n'est pas resté pierre sur pierre. On dit qu'ils ont perdu tous leurs parents. Alors, vous disiez, c'est lui qui vous a ouvert. Oui. Quand je l'ai vu devant moi avec cette tête, je n'ai plus trouvé de voix. Il faut lui dire que nous venions rendre visite à sa belle-mère. Et lui, rien, pas un mot de remerciement. Oh, il nous a fait un beau salut. Oh, à peine une inclinaison de tête, comme ça. Ses yeux, tu n'en parles pas. Ce sont des yeux de bête pauvre. Ce ne sont pas des yeux humains. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Tout embarrassé. Oui, il sait. Il nous a répondu que sa belle-mère était souffrante et qu'il nous remerciait de notre bonne intention. Il nous a laissé là, en plan, sur le paillasson. Attendons que nous nous retirions. Oh, quelle mortification! C'est un rustre, cela. Oh, vous pouvez être sûr qu'il est responsable de tout. Il tient peut-être sous clé sa belle-mère comme sa femme. Il faut un certain toupet fait pour agir ainsi envers la femme d'un de ses supérieurs? Oh, mais cette fois, mon mari s'est fâché tout rouge. Il a considéré cela comme un affront. Et il est allé s'en plaindre au préfet. Et il disait réparation. Tiens, voilà justement papa. Allons. Ah, mon cher Cyrilli. Mon mari, madame Chini. Très heureux. Et je vous préviens que d'une minute à l'autre, madame Frola sera ici. Ah, elle va venir! Elle va venir ici! Mais naturellement, voyons, pouvais-je tolérer un affront aussi patent à ma maison, à ma femme et à ma fille? C'est précisément ce que nous disions. Et il aurait fallu saisir cette occasion pour... Pour faire savoir au préfet tout ce qu'on dit en ville au sujet de ce monsieur. Eh bien, n'en doutez pas, je l'ai fait. Très bien, très bien. Ce sont des choses inconcevables! Vraiment inouïes! Tu ne sais pas tout! Voilà maintenant qu'il les enferme à clé toutes les deux. Oh non, voyons maman, pour la belle-mère on en sait encore mieux. Mais pour la femme, c'est certain. Et qu'a dit le préfet? Le préfet, il a été très, très impressionné. Ah, tant mieux. Les bruits étaient déjà venus jusqu'à lui, et il juge à présent opportun d'éclaircir ce mystère et de connaître toute la vérité. Ah, il ne manquait plus que tes éclats de rire à présent. Pourquoi est-il? Il prétend qu'il est impossible de découvrir la vérité. Madame Frola, la voilà. Nous allons voir si c'est impossible, mon cher Lambert. Oh, très bien, je suis vraiment contente. Est-ce que je puis l'introduire? Mais asseyez-vous. Attendez qu'elle entre. Assis. D'ailleurs, tout le monde assis. Il faut que nous restions tous assis. Madame Chine, asseyez-vous. Faites entrer. Vous en prie, madame. Madame Cyrilli, ma bonne amie. Madame Chini, mon mari. Monsieur Cyrilli, ma fille Dina, mon frère Lambert Laudici. Oh, mais asseyez-vous, madame. Je regrette beaucoup et je vous demande pardon, madame, d'avoir manqué jusqu'ici au plus élémentaire de mes devoirs. Vous avez eu la bonté de m'honorer d'une visite alors que c'était à moi de venir la première. Votre voisine, madame, on n'y regarde pas si près. D'autant que vous êtes ici seule, étrangère, et vous auriez pu avoir besoin de... Merci, merci. Vous êtes bien bonne. Madame est toute seule. Non, madame, non, j'ai une fille mariée et qui est ici depuis peu de temps. Le gendre de madame est le nouveau conseiller de préfecture, M. Ponza, n'est-ce pas? Oui, précisément. Monsieur le secrétaire général voudra bien m'excuser, et excuser également mon gendre. Vous parlez franchement, madame, j'avais été un peu froissé. Vous avez mille fois raison, monsieur le secrétaire général, mais il faut l'excuser. Nous sommes encore tout bouleversés, vous savez, par notre grand malheur. Oh, naturellement, un désastre pareil. Vous avez perdu des parents? Tous nos parents, madame. Tous. Il n'est rien resté de notre petit village. Ce n'est plus qu'un amas de ruines. Oui, oui, oui, nous l'avons su. Je n'avais qu'une sœur. Elle était aussi mariée, mais sa fille n'était pas encore mariée. Pour mon gendre, le malheur a été plus terrible encore. Sa mère. Deux frères. Une sœur, puis son beau-frère, ses belles-sœurs, deux petits neveux. Une véritable hécatombe. Sont des malheurs qui ne s'atténuent pas. On en reste accablé pour toujours. Oh, certainement. Et comme cela, d'une minute à l'autre, c'est à devenir fou. Et alors, on ne se souvient plus de rien, on manque aux convenances sans le vouloir, monsieur le secrétaire général. Ne parlons plus de ça, madame, je vous en prie. C'est en pensant à ce grand malheur que ma fille et moi qui sommes venus chez vous, les premières. Oh, oui, sachant que vous étiez totalement seule, bien que... Vous m'excuserez, madame, si j'ose vous demander comment il se fait qu'après un pareil malheur, ayant ici votre fille, après un malheur comme celui-là qui, semble-t-il, devrait provoquer chez les survivants a besoin de vivre plus unie. Comment il se fait que j'habite toute seule, n'est-ce pas? C'est cela. Parler France, ça semble un peu étonnant. Je comprends bien. Mais vous savez, quand un fils ou une fille se marie, il faut leur laisser liberté complète. Parfait. Très juste. Il faut qu'ils se fassent leur propre vie. Une vie toute neuve. Mais pas au point, mon cher Laodicée, d'exclure de sa vie sa propre mère. Mais il ne s'agit d'exclure personne. Il s'agit, si j'entends bien, d'une mère qui comprend que sa fille ne peut rester unie à elle comme avant, puisqu'elle a désormais une nouvelle existence avec son mari. Oui, oui, c'est ça. C'est bien ça. Merci, parce que c'est bien ainsi. Oui, sans doute, votre fille vient-elle souvent vous tenir compagnie? Oh oui, nous nous voyons. Oh, certainement. Mais votre fille ne sort jamais de chez elle. Ou du moins, personne ne l'a jamais vue. Elle a peut-être des enfants qui la retiennent à la maison. Non, ah, non, non, pas d'enfants encore. Et sans doute n'en aura-t-elle plus maintenant. Elle est mariée depuis 7 ans déjà. Oh, certainement, elle a beaucoup à faire chez elle. Mais ce n'est pas la raison. Vous savez, nous autres femmes, dans ces petits villages du Midi, nous sommes habituées à rester chez nous. Même quand il y a une maman à aller voir, une maman qui n'habite plus avec vous. Mais sans doute, madame va-t-elle chez sa fille? Oh oui, j'y vais, une ou deux fois par jour. Et vous montez une ou deux fois par jour tous ces escaliers, jusqu'au dernier étage de ce gratte-ciel? Eh non. Je ne monte pas. Vous avez raison, monsieur. Ces escaliers, ce serait beaucoup pour moi. Je ne monte pas. Ma fille se met au balcon, sur la cour. Et nous voyons, nous nous parlons. D'en bas, vous ne la voyez jamais de près. Je ne voudrais pas que ma mère montât tous les jours pour moi 90 ou 100 marches d'escalier. Je ne pourrais me contenter de lui parler de si loin sans pouvoir l'embrasser, sans la sentir tout près de moi. Je descendrai. Oui, vous avez raison. Je vais vous dire, je ne voudrais pas que vous pensiez du mal de ma fille. Qu'elle n'a pas d'affection pour moi, qu'elle me manque d'égard. Ni que moi, ça me manque 90, 100 marches d'escalier. Est-ce que ça peut empêcher une mère, même si elle est vieille et affirme, d'aller jusqu'à sa fille pour la serrer sur son cœur? Ah, nous y voilà, je l'avais bien dit. Il faut qu'il y ait une raison, une autre raison. Tu vois, Lambert, il y a une raison. C'est votre gendre, n'est-ce pas? Oh, je vous en supplie, ne pensez pas mal de lui. Il est si bon, si bon. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il est bon. Quelle affection, quelle tendresse, quelle délicatesse il a pour moi. Et je ne parle pas de son amour pour ma fille. Oh, certainement, je n'aurais pu souhaiter pour elle un meilleur mari. Mais alors? Alors, ça ne dépend pas de lui. Mais naturellement, voyons, il est impossible qu'il interdise à sa femme d'aller voir sa mère ou à sa belle-mère de monter chez lui pour retrouver sa fille. Interdire? Mais non, monsieur, le secrétaire général, qu'est-ce qui a parlé d'interdire quoi que ce soit? C'est nous, c'est ma fille et moi qui nous en abstenons. Et spontanément, croyez-le bien, par égard pour lui. Comment cela? De quoi pourrait-il s'offenser? J'avoue que je ne comprends pas. S'offenser? Oh non. Non, monsieur le secrétaire général. Il s'agit d'un sentiment. D'un sentiment assez difficile, peut-être, à comprendre. Mais quand on l'a compris, c'est un sentiment qui n'est pas très difficile à admettre, bien qu'il exige, sans aucun doute, de ma fille et de moi, un très gros sacrifice. Vous reconnaîtrez, madame, que tout ce que vous dites est pour le moins étrange. Oui, de nature à provoquer et à légitimer toutes les curiosités. La curiosité, disons aussi, certains soupçons. Contre lui? Oh, mais quel soupçon, monsieur le secrétaire général? Vous en prie, ne vous troublez pas. Certains soupçons... Je dis qu'on pourrait soupçonner. Soupçonner quoi? Notre accord est parfait. Nous sommes contentes, tout ce qu'il y a de plus content, ma fille et moi. Il est peut-être jaloux. Jaloux de la mère de sa femme? Oh non. Oh non. Je ne crois pas qu'on puisse parler de jalousie. Voilà. Il veut le cœur de sa femme tout entier pour lui. Et l'amour que ma fille a pour moi, et il admettrait bien cet amour, ça fait très bien, il veut que cet amour m'arrive à travers lui, par son intermédiaire. Voilà. Ah, mais c'est de la cruauté. Oh non. Non, ce n'est pas de la cruauté, monsieur le secrétaire général, c'est autre chose. Je ne peux pas m'expliquer comme il faudrait. C'est son tempérament qui... qui est comme ça. Mettons, si vous voulez, que c'est une espèce de maladie. C'est le débordement d'un amour exclusif. C'est comme un mur d'enceinte à l'intérieur duquel sa femme doit vivre sans jamais en sortir et que personne d'autre que lui ne doit franchir. Même pas une mère ? Un fameux égoïste. Peut-être. Mais un égoïste qui se donne tout entier, comme un monde, à la femme aimée. L'égoïste, ce serait moi, si je voulais franchir la porte de cet univers, de cette demeure, close par l'amour. Si je voulais m'y introduire par force, alors que je sais que ma fille adorée comme elle est, y vit heureuse. Cette certitude, n'est-ce pas, madame, doit suffire pour une mère. D'ailleurs, je vois ma fille, je lui parle. Le petit panier dont je tire la ficelle dans la cour emporte chaque fois une lettre de moi, avec les nouvelles de la journée, et il en descend autant. Ça me suffit, je m'y suis habituée, résignée, si vous préférez, mais... Je n'en souffre plus. Après tout, si vous acceptez cela toutes les deux... Mais je vous l'ai déjà dit, il est si bon, si bon. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il est bon. On ne peut pas l'être davantage. Chacun a ses faiblesses, n'est-ce pas? Il faut se les pardonner, réciproquement. Madame. Monsieur le secrétaire général, vous m'avez pardonné, n'est-ce pas? Madame, je vous en prie, nous vous sommes tout à fait obligés de votre visite. Je vous en prie, madame, ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Alors, vous contentez de cette explication? Une explication, cela? Il doit y avoir là-dessous quelques mystères. Ah, comme ce pauvre cœur de mère doit souffrir. Mais la fille aussi, les larmes faisaient trembler sa voix. Ah oui, quand elle a dit que pour serrer sa fille sur son cœur, elle montrait plus de 100 marches. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle savait comment faire pour l'excuser. L'excuser? Excuser par une violence, ouais. Par une barbarie. Monsieur, il y a là monsieur Ponza, qui demande à être reçu. Ah, oh, oui. À être reçu par moi? Oui, monsieur, c'est ce qu'il a dit. Oh, recevez-le ici, voulez-vous? J'ai presque peur, mais je suis vraiment curieuse de voir ce monstre de près. Ah oui, mais voudra-t-il? Nous verrons bien. Asseyez-vous. Faites entrer. Je vous en prie, monsieur Ponza. Monsieur Ponza, notre nouveau collaborateur de la préfecture. Monsieur Cirelli, madame Cirelli. Madame... Jenny. Jenny. Ma femme, ma fille. Lambert Laodici, mon beau-frère. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. 5 minutes et je vous débarrasse. Vous voulez peut-être me parler seul à seul? Non, je peux parler devant tout le monde. Même c'est une déclaration nécessaire de ma part. S'il s'agit de la visite de madame votre belle-mère, c'est inutile. Non, monsieur le secrétaire général, il s'agit de toute autre chose. Je tiens à vous faire savoir que madame Frola, ma belle-mère, se serait sans aucun doute présentée ici, avant que madame et mademoiselle eussent la bonté de l'honorer d'une visite, si je n'avais pas tout fait pour l'en empêcher. Ne pouvant permettre en aucun cas qu'elle fasse des visites, ni même qu'elle en soit. Mais pourquoi, s'il vous plaît? Ma belle-mère a parlé à ces dames et à ces messieurs de sa fille, n'est-ce pas? Elle vous a dit que je lui défendais de la voir, de monter chez elle. Mais pas du tout. Madame Frola était pleine d'égards et de bonté pour vous. Elle a dit de vous que du bien. Et elle nous a dit qu'elle s'abstenait de monter voir sa fille par égard pour un sentiment que, franchement, nous avouons ne pas comprendre. Et même s'il fallait vous dire ce que nous en pensons... Oui, eh bien oui, par l'enfant, cela nous a semblé une cruauté. Une véritable cruauté de votre part. Je suis précisément ici pour éclaircir ce point, monsieur le secrétaire général. La situation de cette pauvre femme est extrêmement douloureuse, certes. Seulement la mienne ne l'est pas moins. Et pour m'obliger à m'expliquer, à rendre public ce malheur, il a fallu une violence comme celle dont on a usé envers moi. Cette violence me contraint à tout dévoiler. Madame Frohla est folle. Folle ? Folle ! Folle ! Folle ? Depuis 4 ans. Oh mon Dieu ! Mais on ne le dirait pas du tout ! Folle, mais comment cela ? On ne le dirait pas. Elle est folle. Et sa folie consiste précisément en ceci. Elle croit que je refuse de lui montrer sa fille. Comment pourrais-je lui montrer sa fille ? Sa fille est morte depuis 4 ans. Morte ? Morte ! Morte ! Depuis 4 ans, c'est ce qui l'a rendue folle. Mais alors, votre femme? Je l'ai épousée il y a 2 ans, en seconde noce. Et alors? Elle croit que c'est encore sa fille? C'est ce qui l'a sauvée. Elle m'a vu passer dans la rue avec ma seconde femme, de la fenêtre de la pièce où nous la gardions. Et elle a cru revoir sa fille. Elle s'est mise à rire, à trembler de tous ses membres, et du jour au lendemain, elle a échappé à l'accablement où elle était. Pour tomber dans cette nouvelle folie. Les premiers temps, elle exultait, elle débordait. Et... Ah, maintenant, elle est plus calme. Elle s'est résignée d'elle-même à ne plus venir chez moi, ce qui mêle un peu de tristesse à sa folie. Seulement, elle est contente quand même, comme vous avez pu le voir. Elle s'obstine à croire qu'il n'est pas vrai que sa fille soit morte. Que c'est moi qui veux la garder pour moi tout entière et l'empêcher de la voir. On la dirait guérie à l'entendre parler, elle n'a rien d'une folle. Bon, rien du tout. Et vous dites qu'elle est contente comme cela? Ben, elle le dit à tout le monde. Et elle a vraiment pour moi beaucoup d'affection et de la gratitude, c'est que je fais de mon mieux pour ne pas contrarier sa folie. Au prix de lourds sacrifices matériels, j'ai 2 ménages à entretenir au lieu d'un. J'oblige ma femme qui, heureusement, a la charité de se prêter à ce jeu, elle lui procurer l'illusion qu'elle est encore sa fille. Elle se met à la fenêtre, elle lui parle, elle lui écrit. Seulement... Ce devoir de charité ne peut aller au-delà de certaines limites. Je peux tout de même pas contraindre ma femme à vivre avec elle. Alors cette malheureuse vit comme emprisonnée, toujours enfermée à clé, par crainte que l'autre ne veuille monter chez elle. Oui, sa folie est tranquille, et puis elle a une nature si douce. Seulement, comprenez l'horreur physique qu'aurait ma femme à recevoir ses caresses. Ce serait une chose déchirante, d'ailleurs. Oh, je crois bien, la pauvre femme, c'est trop naturel. Alors, c'est sa femme qui veut qu'il l'enferme à clé? Monsieur le secrétaire général, vous comprenez que je ne pouvais laisser venir ma belle-mère ici que contraint et forcé. Ah, je comprends. Je comprends maintenant. Je m'explique tout. L'homme qui est la victime d'un pareil malheur doit demeurer à l'écart. Obligé de vous envoyer ma belle-mère, je ne pouvais m'empêcher de vous faire cette déclaration par respect pour la position que j'occupe et aussi pour qu'on ne puisse pas croire à pareil scandale en ville de la part d'un fonctionnaire. Oui, pour qu'on ne puisse pas croire que par jalousie ou pour toute autre raison, j'empêche une pauvre mère de voir sa fille. Oh, monsieur Ponza. Monsieur le secrétaire général, mesdames. Alors c'est une folle, la pauvre femme, folle. Voilà la raison, il fallait qu'il y eut quelque chose dans le genre. Mais qui aurait pu imaginer chose pareille? Et tout de même, elle avait une façon de parler. Oui. Tu l'avais déjà deviné, toi? Non, mais il est certain qu'elle avait une manière de parler. Oui. La pauvre femme, elle n'a plus sa tête à elle. Oui. Ah, pourtant, il est bien étrange qu'une folle... Elle n'aime plus sa tête à elle, c'est entendu. Mais enfin, il est étrange qu'une folle cherche à expliquer avec tant de soin pourquoi son gendre ne veut plus lui laisser voir sa fille. C'est cette façon de lui trouver des excuses, de se plier d'elle-même. Mais c'est précisément la preuve qu'elle est folle. Elle avait une façon de trouver pour son gendre des excuses qui n'en étaient pas. Mais oui, on ne comprenait rien à ce qu'elle disait. Si elle n'était pas folle, crois-tu qu'elle pourrait accepter de semblables défaites? C'est interdiction de voir sa fille, autrement que de loin. Et on croyait qu'une folle accepterait, qu'elle se résignerait plus facilement. Eh bien, moi, cela me semble étrange. Et toi, qu'en dis-tu? Moi, ouais, je dis rien du tout. C'est encore Madame Frohla. Oh, mon Dieu! Qu'allons-nous faire maintenant? Nous n'allons plus pouvoir nous en débarrasser. Oh, je vous comprends! Une folle! Mon Dieu, mais que va-t-elle nous raconter? Et moi, je serais curieux de l'entendre encore. Oh, oui. Oui, maman, il ne faut pas avoir peur, elle est si calme. Allez, il faut la recevoir, il n'y a pas de doute. Vous verrez ce qu'elle veut, et si c'est nécessaire, nous prendrons les mesures. Alors, asseyez-vous. Merci, tout le monde assis. Faut que nous restions tous assis. Faites entrer. Vous m'aiderez, n'est-ce pas? Je ne sais plus comment lui parler à présent. Je vous en prie, madame. Entrez donc. Nos amis sont encore là. Tous, vous me regardez. Et vous aussi, madame. Comme une pauvre folle, n'est-ce pas? Oh, mais dites-vous là, madame. Oh, madame, mon impolitesse valait mieux quand je vous ai laissé devant ma porte sans vous ouvrir la première fois. Je n'aurais jamais supposé que vous reviendriez une seconde fois et m'obligeriez à cette démarche dont, hélas, j'avais prévu toutes les conséquences. Mais non, madame, pourquoi cela? Mais quelles conséquences, madame? Mon gendre sort bien d'ici, n'est-ce pas? Oui. Oui, il est venu, madame, me parler de certaines affaires, du bureau. C'est là le pieux mensonge que vous imaginez pour me tranquilliser? Non, madame, mais non, soyez sûre que je dis la vérité. Au moins était-il calme? A-t-il parlé avec calme? Mais oui, il était calme. Très calme, n'est-ce pas? Oh, oui, très calme. Ah, mon Dieu, messieurs, vous croyez me rassurer, et c'est moi, au contraire, qui voudrais vous rassurer sur son compte. Mais à propos de quoi, madame? Vous répète, madame, qu'il a parlé avec moi des affaires du bureau. Il me suffit de voir de quelle manière vous me regardez. Je vous demande pardon, ce que j'en dis, ce n'est pas pour moi. Je m'aperçois bien qu'il est venu ici vous prouver ce que, pour tout l'or du monde, je n'aurais jamais révélé. Vous êtes tous témoins qu'il y a un instant, quand vous m'adressiez cette demande, qui, croyez-le bien, ont été très cruels. Je ne savais comment y répondre. Je vous ai donné de notre manière de vivre une explication qui, je le sais bien, ne pouvait satisfaire personne. Mais est-ce que je pouvais vous donner la véritable raison? Est-ce que je pouvais vous dire, comme il le fait, lui, que ma fille est morte depuis 4 ans? Et que c'est une pauvre folle qui la croit encore vivante, quand il ne veut pas la lui montrer. Comment cela, alors? Votre fille? Vous voyez bien que c'est vrai. Pourquoi nier? C'est bien ce qu'il vous a dit, n'est-ce pas? Oui, en effet, il a dit... Mais naturellement, je le savais. Et je sais aussi le trouble qu'il éprouve quand il est obligé de parler ainsi de voix. C'est un malheur, monsieur le secrétaire général, que nous n'avons pu surmonter, auprès de quels efforts, de quels chagrins, de quelle anxiété aussi, qu'à la condition de vivre comme nous vivons. Malheureusement, je comprends bien, cette façon de vivre attire l'attention des gens, elle provoque le scandale, le soupçon, mais d'autre part, lui est un excellent fonctionnaire, plein de zèle et de conscience. Vous en avez déjà fait l'expérience, n'est-ce pas? À vrai dire, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Oh, je vous en supplie, ne vous arrêtez pas aux apparences. C'est un homme excellent. Tous ses supérieurs l'ont déclaré. Et alors, pourquoi le tourmenterait-on? À cause de sa vie familiale, à cause de ce malheur, je vous le répète, que nous avons pu surmonter et qui pourrait, si on le révélait, compromettre toute sa carrière. Mais je vous en prie, madame, ne vous tourmentez pas ainsi. Mais personne ne veut de mal à votre gendre. Comment voulez-vous que je ne me tourmente pas quand je lui vois donner de notre existence une explication aussi absurde qu'horrible? Pouvez-vous croire sérieusement que ma fille est morte? Que je suis folle? Et que celle qui vit là-bas avec lui est sa seconde femme? Mais c'est un besoin pour lui. Nous n'avons pu lui rendre le calme et qu'à cette condition, il se monte, il est tout bouleversé quand il est obligé d'en parler, car il s'entraîne bien lui-même l'abus qu'il commet en disant « certaines choses, il m'a fait certainement remarquer, n'est-ce pas? Mais en effet, il était assez agité. Mais alors, mon Dieu, c'est lui! Mais naturellement, c'est lui, je vous l'avais bien dit. Oh, je vous en supplie, messieurs, n'allez rien imaginer d'autre. C'est uniquement ce point qu'il ne faut pas toucher devant lui. Voyons, est-ce que je laisserais ma fille seule avec lui, enfermée là-bas, s'il en était autrement? Et d'ailleurs, monsieur le secrétaire général, vous pourrez vous en rendre compte au bureau, où il fait tout ce qu'il a à faire de la façon la plus exemplaire. Madame, il faut absolument que vous vous expliquiez. Enfin, est-il possible que votre gendre soit venu ici nous raconter des histoires de brigands? Oui. Oui, monsieur le secrétaire général, je vais tout vous expliquer. Mais il faudra avoir pitié de lui, n'est-ce pas? Comment? Alors, il n'est pas vrai que votre fille soit morte? Dieu m'en préserve! Mais alors? Mais c'est lui qui est fou! Oui, hein, non, je vous en arrive vraiment! Mais voyons, mais naturellement, il doit être fou! Laissez-moi parler! Vous l'avez vu? Il est si sanguin de tempérament, si violent. Quand il s'est marié, il a été pris d'une véritable frénésie d'amour. Et ma fille est plutôt délicate. Sur les conseils des médecins et des parents, de ses propres parents. Les pauvres, ils ont tous disparu depuis. Nous avons été obligés de lui arracher sa fille, sa femme. Je ne sais plus ce que je dis, sa femme. En cachette, et de l'enfermer dans une maison de santé. Et alors lui, quand il ne la trouva plus à la maison, oh, il a été pris dans des espoirs furieux. Il s'habillait de noir, il commit mille folies, et on ne put l'arracher à cette idée fixe. Si bien qu'un an après, quand ma fille, qui avait retrouvé la santé, lui fut rendue, il refusa de la reconnaître. Il disait, non, c'est pas vrai. Il la regardait et il recommençait. Non, c'est pas elle. Oh, quel déchirement. Il s'approchait d'elle. On aurait dit qu'il allait la reconnaître. Et il recommençait. Non, ce n'est pas elle. Pour la lui faire reprendre avec la complicité de quelques amis, nous avons été obligés de simuler un second mariage. C'est pour cela qu'il dit... Oui, mais il y a longtemps qu'il ne croit plus à cette histoire, lui non plus. Mais c'est un besoin pour lui de la laisser croire aux autres. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est comme pour s'en convaincre lui-même. C'est aussi peut-être parce que de temps en temps, la peur le saisit, qu'on lui enlève encore sa jeune femme. C'est pour ça qu'il l'enferme à clé. Oh, il la veut toute pour lui. Mais il l'adore. Je suis sûre. Et ma fille est heureuse. Quand je me sauve, je ne veux pas qu'il rentre tout de suite chez lui, si comme vous le dites, il est tellement agité. Patience. Cette pauvre petite qui est obligée de faire croire qu'elle n'est plus elle, mais une autre. Et moi, qui dois simuler la folie. Mais comment faire autrement? Enfin. Pourvu qu'il soit calme. Ne vous dérangez pas, madame, je vous en prie, je connais le chemin. Au revoir, mesdames, messieurs, le secrétaire général. Pour vous saluer. Vous vous regardez tous dans les yeux. Hein? La vérité. D'entendre le premier acte de Chacun sa vérité de Pirandello, diffusé depuis la Comédie française Salle Richelieu à Paris. Voici maintenant les deuxièmes et troisième acte de cette pièce. Allô, oui, je parle avec Santori. Eh bien. Ah, bien. Ah, diable, c'est pas possible. Oui, je comprends bien, mais en multipliant les recherches. Écoutez, il est vraiment extraordinaire qu'on ne puisse pas. Oui. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, oui, je comprends. Ouais. Bon, alors, voyez un peu. Au revoir. Eh bien. Rien. On ne trouve rien. Tout est dispersé ou détruit. L'hôtel de ville, les archives, l'état civil. Ah bah, il doit bien y avoir quelques survivants qui pourraient servir de témoins. On ne connaît pas de survivants et s'il en existe, les recherches sont extrêmement difficiles. Alors il ne nous reste qu'à croire ce que nous raconte l'un ou ce que nous raconte l'autre, sans preuve. Malheureusement. Voulez-vous suivre mon conseil? Croyez-les tous les deux. Ah oui, et comment cela? L'un dit blanc et l'autre dit noir. Alors ne croyez ni l'un ni l'autre. Tu plaisantes. Les preuves manquent, les données de fait. Mais la vérité, il n'y a pas de doute, elle est ou d'un côté ou de l'autre. Les données de fait, oui. Et qu'est-ce que tu en tirerais, toi? Ben, tout de même, l'acte de décès de la fille, par exemple, si c'est Madame Frolla qui est folle, malheureusement, on ne le trouve pas, on ne trouve plus rien. Mais il pourrait exister, on pourrait le trouver ce soir, demain. Et alors si on le trouvait, cet acte de décès, c'est bien clair, c'est le gendre qui aurait raison. Mais pourrais-tu nier l'évidence si demain cet acte t'était présenté? Moi, mais je ne nie rien du tout. C'est vous, c'est pas moi qui avez besoin de documents, de données de fait pour nier ou pour affirmer. Moi, je n'en ai nullement besoin. Pour moi, la réalité ne réside pas dans ces documents. Elle réside dans l'âme de ces deux êtres. Et cette âme, je ne puis espérer y pénétrer. Je n'ai donc qu'à croire ce qu'il m'en raconte. Mais oui, mais il te dit justement que l'un des deux est fou. Ou c'est lui qui est fou, ou c'est elle qui est folle. Tu ne sors pas de ce dilemme, lequel des deux? C'est toute la question. Non, ils ne le disent pas tous les deux. Monsieur Ponza le dit de sa belle-mère, mais Madame Frolla le nie. Non seulement elle se défend d'être folle, mais elle dit que son gendre ne l'est pas. Tout au plus, dit-elle, il a eu le cerveau un peu altéré par cet amour excessif, mais autrefois, et aujourd'hui, il est guéri, parfaitement guéri. Alors tu es comme moi, tu as tendance à croire ce que dit la belle-mère. Il est certain que si on s'en tient à ce qu'elle dit, tout peut parfaitement s'expliquer. Mais tout s'explique aussi bien si on croit ce que raconte le gendre. Mais alors aucun des deux n'est fou, selon toi. Enfin, ça fait l'hypopète, il faut bien que l'un des deux soit fou. Bon, eh ben, lequel? Ah ben ça... Lequel? Vous ne pouvez pas le dire. Et c'est pas parce que ces preuves que vous recherchez ont été perdues ou détruites dans un accident quelconque, un incendie ou un tremblement de terre. Non! C'est parce que ces preuves, ils les ont détruites eux-mêmes. En eux. Dans leur âme. Comprendrez-vous enfin. Ils ont imaginé, lui pour elle et elle pour lui, une fiction qui a la consistance même de la réalité. Et ils vivent désormais en parfait accord, réconciliés dans cette idée. Mais cette réalité-là, aucun document ne peut la détruire. Ils la respirent, ils la voient, ils la sentent, ils la touchent. Ce document pourrait vous être utile à vous tout au plus pour satisfaire je ne sais quelle sotte curiosité, mais vous ne l'avez pas. Et vous voilà condamné à ce merveilleux supplice d'avoir devant vous, à côté de vous, d'une part la fiction, de l'autre la réalité, et sans être capable de distinguer l'une de l'autre. Oui, ben tout ça, mon cher, c'est de la philosophie. Hein? Nous allons bien voir si ce n'est pas possible. Nous avons entendu séparément Monsieur Ponza et Madame Frolla. Très bien. Mais en les confrontant, crois-tu que nous ne découvrirons pas de quel côté est la fiction et de quel côté est la réalité? Alors là, je vous redemande la permission de rire jusqu'au bout. Très bien, très bien. Rira bien qui rira le dernier. Ne perdons pas de temps. Non, venez, venez par ici. Encore vous? bonjour, vous. Ah, il est incorrigible, madame. Je ne peux pas comprendre que vous n'ayez pas la même envie que nous de faire ces mystères. Nous en perdrons la tête. Moi, d'abord, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je vous en prie, madame, laissez-le dire. Écoutez plutôt, mon beau-frère. Il vous prépare un bon sommeil pour la nuit prochaine. Alors, nous sommes bien d'accord, vous allez chez madame Frolla. Mais est-ce que nous serons... Oh, je crois que oui. Mais nous lui rendons sa visite. Mais s'il est là, qu'il ne veuille pas permettre que madame Frolla reçoive des visites. Jusqu'ici, c'était naturel, personne encore ne savait rien. Mais à présent que madame Frolla était obligée de parler et qu'elle expliquait à sa façon la raison de sa sauvagerie... Elle aura même peut-être plaisir à nous parler de sa fille. Oh oui, elle est si gentille. Oh, pour moi, vous savez, il n'y a aucun doute, c'est lui qui est fou. Eh ben, pas de jugement précipité, hein. Écoutez-moi bien. Vous resterez peu de temps, un quart d'heure, pas plus. Je t'en prie, écoute ce qu'il se dit. Pourquoi me dis-tu cela? Et si tu commences à parler? Un quart d'heure, je vous promets d'y venir. Alors moi, je vais jusqu'à la préfecture, je serai de retour ici vers 11h dans une vingtaine de minutes. Et moi? Oui, ben attends un peu. Vous trouverez d'ici là le moyen d'amener madame Frolla ici. Mais le moyen, mais quel moyen? Oh, ben moyen quelconque, vous trouverez bien, vous y arrivez en parlant. Il y a Dina, il y a madame. Ah, vous entrerez bien entendu dans le salon à côté. Cette porte doit rester comme ceci, là, comme ça, entrouverte, de façon qu'on vous entende parler d'ici. Je dépose sur cette table, ce dossier que j'ai préparé exprès pour monsieur Ponsa. Je fais semblant de l'avoir oublié à la maison, je l'amène ici avec moi, et alors... Et moi, quand devrais-je venir? Toi, tout de suite après 11h, oui, quand ces dames seront déjà au salon et moi ici avec lui, bah toi, tu viens prendre ta femme, tu te fais introduire chez moi, et alors, j'inviterai tout le monde à entrer ici, dans mon bureau. Et l'on connaîtra la vérité. Oh, mais quand ils seront là, face à face. Oh, mais sapristi, n'écoutez pas ce qu'ils racontent, et maintenant, allez, il n'y a pas une minute à perdre. Oui, nous y allons. Vous, je ne vous salue pas. Eh bien, je me salue pour vous, au revoir. Bonne chance. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons aussi. Bon, c'est comme ça. Au revoir. Ah, te voilà, toi. Dis donc, mon cher, lequel de nous deux est fou? Toi ou moi? Ben, moi, je dis que c'est toi. Et toi, tu dis que c'est moi. Oui, ben, n'insistons pas. Dans l'intimité, nous savons parfaitement qui nous sommes. Ah, si nous étions seuls au monde, il n'y aurait aucune difficulté. Mais oui, mais voilà, il y a les autres. Tu comprends, ils ne te voient pas de la même façon que moi. Et sais-tu ce que tu deviens pour les autres? Un fantôme, mon cher. Un simple fantôme. Et vois comme les gens sont stupides. Les voilà dévorés de curiosité qui courent après les autres pour les saisir. Hein? Comme si on pouvait saisir des fantômes. Monsieur Lambert, Quoi? Il y a là deux dames, Madame Chini et une autre. Ben, elles me demandent? Elles ont demandé, madame. J'ai dit qu'elle était en visite chez Madame Frolla. Et alors? Ben, alors quoi? Elles se sont regardées dans les yeux et elles ont dit « Ah oui, ah oui ». Et elles ont demandé s'il n'y avait personne à la maison. Vous avez répondu qu'il n'y avait personne? Ben, j'ai répondu que monsieur était là. Moi? Ah non, pas moi. T'es tout au plus celui qu'elles connaissent. Monsieur dit... Bah, vous croyez que c'est la même chose? Je ne comprends pas. À qui êtes-vous en train de parler en ce moment? À qui je suis en train de parler? Mais à monsieur. Et vous êtes tout à fait sûr que je sois le même que celui que demandent ces dames? Ah mais je ne sais pas, monsieur. Ces dames ont dit le frère de madame, alors... Ah, mon pauvre ami. Eh ben, c'est moi. Eh bien, faites entrer. Faites entrer. Allez. Faites entrer. Entrez, mesdames, entrez. Bonjour, madame. On m'a dit que madame Agathe n'était pas là. J'avais amené avec moi ma bonne amie, madame Nenni, qui avait le plus grand désir de connaître madame Frola. Non, madame votre sœur. Ah, eh bien, elle sera là dans un instant. Et madame Frola aussi. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous permettez? Et madame Cirelli également. Oui, oui, nous le savions. Et vous savez, tout est préparé. Ah, ce sera une scène excessivement intéressante. Plus que quelques minutes avant le lever du rideau, oui. C'est pour 11h, exactement. Préparé? Qu'est-ce qui est préparé? La confrontation. Ah, une idée merveilleuse. Quelle confrontation? Tous les deux, Missy Mère. Monsieur Ponza? Là? Oh. Et elle? Là. Oh, madame Frola! Puis alors tout le monde ici, une idée géniale! Pour arriver à savoir la vérité. Mais on la sait déjà. Il ne s'agit plus maintenant que de la démasquer. On sait déjà. Alors lequel est-ce? Lequel des deux? Eh bien, à votre avis, lequel est-ce? Eh bien, moi, je... Elle ou lui? Allez. Un peu de courage. Eh bien, mon Dieu, pour moi, c'est lui. Eh bien, c'est bien lui. Oh, vraiment, c'est lui. Ça ne pouvait être que lui. Lui, nous autres femmes, nous le désirions toutes. Mais comment a-t-on fait pour le savoir? On a trouvé des preuves, n'est-ce pas, des documents? Mais c'est la police, hein. Oh, nous le pensions bien. Il n'était pas possible qu'on ne découvrit pas le pot aux roses grâce à l'autorité préfectorale. L'acte du second mariage. Ah. Le second mariage. Comment? Le second mariage. Et alors, c'est lui qui aurait raison. L'acte du second mariage, à ce qu'il semble, parle clairement, chère madame. Mais alors, c'est elle qui est folle. Eh ben oui, ce serait elle. Comment? Vous nous dites d'abord que c'est lui. Et maintenant, vous dites que c'est elle. Eh bien oui, parce que cet acte du second mariage peut très bien être, comme l'a dit madame Frola, un acte fictif. Établi avec la complicité de ses amis, pour ne pas contrarier l'idée fixe de Ponza que ce n'est plus sa femme, mais une autre. Mais alors ce serait un acte sans aucune valeur. Ah, tout dépend de la valeur que vous lui attribuez, chère madame. N'y a-t-il pas aussi les lettres que madame Frola prétend recevoir de sa fille dans la cour au moyen du petit panier? Bon, eh bien, ces lettres existent, n'est-ce pas? Oui, et alors? Comment et alors? Ben, ce sont des documents, ça, chère madame. Ce sont des documents aussi. Mais tout dépend de la valeur que vous leur conférez. Monsieur Ponza arrive et vous dit que ces lettres sont fausses. Oui. Pour ne pas troubler l'idée fixe de madame Frola. Mais alors, mon Dieu. Mais non, mon Dieu, on ne sait rien de certain. Comment? Mais pardon, il y a des choses que nous savons parfaitement. Ah, lesquelles? Combien y a-t-il d'heures dans la semaine? Ben, il y en a 7. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et combien y a-t-il de mois dans l'année? Mais il y en a 12. Janvier, février, mars. Oh, nous avons compris. Hein? Vous voulez plaisanter? Oh, pas du tout. Écoute un peu. Mesdames, excusez-moi. Oui, j'étais venue. Mais oui, avec madame Chenny. Non, pas Chenny. Nenni. Ah, ben oui, Nenni, Chenny. Qui avait le plus vif désir de connaître madame Frola. Il continue à se moquer de nous. Si vous saviez, mademoiselle, comme il s'est moqué de nous. Oh, et si vous saviez comme il est méchant en ce moment avec nous aussi. Oh, oui. Pardonnez-lui. Tout est prêt. Je vais dire à maman que vous êtes là, ce sera suffisant. Oh, mon oncle, si tu l'entendais, quelle petite vieille adorable. Comme elle parle, quelle bonté. Elle nous a montré toutes les lettres de sa fille. Oui, mais c'est comme précisément monsieur Laoud, il dit ultime. Oh, mais qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il ne les a pas lues. Mais ces lettres ne sont peut-être pas sincères. Mais ne l'écoutez pas. Comment une mère pourrait-elle se tromper sur les sentiments de sa propre fille? La dernière lettre, celle d'hier. Oui. Oh, mon Dieu! Mais voilà, elles sont déjà là. Il est déjà 11h, mon oncle. Oh, c'est tout à fait inutile. Oh, il n'y a absolument pas besoin de preuves. Certainement, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas besoin de preuves. Chère madame, ma bonne amie, madame Nenni, que j'avais amenée avec moi. Mais heureuse, madame, il n'y a pas de doute. C'est lui, c'est ça que je vous ai empêché. En prévenant papa, cette pauvre dame de tomber dans ce traquenard. Ah oui, nous l'avons amenée avec nous comme il était convenu. Et j'ai l'impression de commettre une trahison. Oui, vous avez raison, c'est indigne. Oh. D'autant plus qu'il commence à me sembler que ce doit être elle. Oh. La Elle, certainement elle. Elle, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle, parfaitement elle. Oh, Lodo, si tu n'entendais parler. Oh, oui, mais ça me sert à rien, c'est justement parce que vous en êtes certaine, ça doit être elle. Oh. Ah non, alors venez par ici. Vous voyez donc pas qu'il le fait exprès. Venez, madame. Venez, Dina. Non, je ne veux pas t'écouter. Ah, alors ferme cette porte. Si tu juges l'épreuve inutile. Oh, bah que dirait papa? C'est lui qui l'a laissé ouvert. Il va arriver par l'autre et s'il l'a trop fermé, c'est comme un papa. Eh bien, vous le persuaderez, et toi particulièrement, qu'il était inutile de laisser cette porte ouverte. Tu en es bien convaincu? Non, ben, tout à fait convaincu. Alors, ferme cette porte. Mais tu serais trop content. Non, je ne la fermerai pas. Ah, ah. C'est à cause de papa. Veux-tu que je la ferme moi-même? C'est ta responsabilité. Ah, mais moi, je n'ai pas acquis comme toi la certitude que c'est lui qui est faux. Eh bien, viens seulement dans le salon. Écoute parler Madame Frolla, comme nous l'avons écouté nous-mêmes. Et tu verras que tu acquerras la même certitude. Viens-tu? Mais oui, je viens. Et je peux très bien fermer cette porte sous ma responsabilité. Ah, tu vois bien, avant même de l'avoir entendu. Non, non, ma chérie. C'est parce que je sais que votre père pense tout à fait comme vous que cette épreuve est inutile. Tu en es sûr? Il est en train de parler à Ponza. Il a donc acquis la certitude que c'est Madame Frolla qui est folle. Alors, je ferme la porte? Non. Ah, ah. Écoute, si tu crois cela, laissons-la ouverte. Bon, ben, moi, ce que j'en dis, c'est pour papa. Eh ben, ce que dira papa, ça sera pour les autres. Alors, laissons-la ouverte. Hein. Elle. Si. Tu entends? La fille? Oui, elle joue. Elle nous a dit que sa fille jouait toujours, c'est elle. Tu entends avec quelle douceur elle nous joue? Entrez, je vous en prie. Je dois l'avoir oublié là. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Ah, le voilà. C'est un vieux dossier, une affaire, comme je vous ai dit, extrêmement embrouillée, très importante, qui traîne depuis des années, et... Cette musique, et qui joue? Qui joue? Enfin, qui joue? Oh, regardez donc. Seigneur, c'est elle qui joue. Oui, votre belle-mère, comme elle joue bien. Comment vous? Vous l'avez de nouveau amené ici et vous l'avez fait jouer. Pourquoi pas, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Mais cette musique. Cette musique, comprenez-vous, c'est celle que jouait sa fille. Ça vous fait peut-être du mal de l'entendre. Non, ce n'est pas à moi que ça fait du mal. C'est à elle, un mal incalculable. Monsieur le secrétaire général, je vous avais pourtant bien dit, ainsi qu'à ces dames, l'état de cette malheureuse. Oui, mais. Je vous avais dit qu'il fallait la laisser en paix. Qu'elle ne pouvait ni recevoir des visites, ni en vrai. Je suis seul à savoir comment il faut la traiter. Vous la tuez, monsieur, vous la tuez. Mais non. Et ces dames savent bien où. Venez. Regardez. Mais vous jouez encore merveilleusement, madame. Vous pouvez écouter. C'est ma petite Nina qu'il vous faudrait entendre. Ah, oh, ma petite Nina, comme elle joue. Sa petite Nina. Elle dit sa petite Nina, sa fille. Mais écoutez, elle parle au présent. Elle dit qu'elle joue. Eh non, elle ne peut plus jouer depuis lors. Et c'est peut-être son plus grand chagrin à cette pauvre petite. C'est naturel, elle la croit encore vivante. Mais non, il ne faut pas la faire parler comme ça. On ne doit pas en parler. Vous avez entendu? Elle a dit depuis lors. À cause de ce piano, certainement. Ah, si vous saviez le piano de ma pauvre femme. Mon Dieu. Vous voulez m'accabler de nouveau? Mais non, mais pourquoi? Je t'en prie, fais entre ces dames. Ces dames ici? Ah non! Non, plutôt. Vous ici! Encore ici! Qu'êtes-vous venu faire? Rien, je te jure, rien. Excuse-moi. Comment rien? Vous êtes venu raconter? Qu'est-ce que vous avez raconté à ces dames? Mais rien, je te jure! Comment rien? Je l'ai bien entendu, monsieur l'a entendu, comme moi! Vous avez dit elle joue! Qui joue? Lina joue! Vous savez bien qu'elle est morte depuis 4 ans, votre fille. Mais oui, mon ami, calme-toi. Oui, calme-toi. Vous avez dit depuis lors, elle ne peut plus jouer. Naturellement qu'elle ne peut plus jouer depuis lors. Comment voulez-vous qu'elle joue puisqu'elle est morte? Mais oui, je l'ai bien dit, n'est-ce pas, mesdames? J'ai dit qu'elle ne pouvait plus jouer depuis lors, et naturellement, puisqu'elle est morte. Et pourquoi ton second corps est toujours à ce piano? Je n'y pense plus, je te jure, je n'y pensais plus. J'ai démoli moi-même, vous le savez très bien, à la mort de votre fille, pour ne pas le laisser toucher à l'autre, qui d'ailleurs ne savait pas jouer. Vous savez très bien que l'autre ne joue pas. Mais naturellement, puisqu'elle ne sait pas jouer. Votre fille, elle. Elle s'appelait Lina, n'est-ce pas? Comment s'appelle ma seconde femme? Dites-le devant tout le monde, vous le savez très bien. Comment s'appelle-t-elle? Juliette! Elle s'appelle Juliette! C'est parfaitement exact, messieurs, mesdames. Elle s'appelle Juliette! Oui, elle s'appelle Juliette, elle ne s'appelle pas Lina. Clignez pas les yeux comme ça en disant qu'elle s'appelle Juliette! Mais parce qu'il est deuil, pas de... Mais je l'ai vu, je l'ai parfaitement vu! Vous voulez laisser croire que je veux garder pour moi seule votre fille? Comme si elle n'était pas morte! Comme si elle n'était pas morte! Non, mon pauvre petit, calme-toi, je n'ai jamais dit ça! N'est-ce pas, mes dames? Non, elle a dit qu'elle était morte! J'ai dit qu'elle était morte, et qu'aurais-je pu dire d'autre? J'ai dit que tu es si gentil pour moi! Moi te perdre, moi te compromettre! En attendant, vous allez chercher chez les autres des pianos pour y jouer les morceaux que jouait votre fille morte. En disant que Lina les joue aussi bien, même beaucoup mieux. On y joue un peu comme ça, tu sais, pour essayer. Vous ne devez pas. Vous n'avez pas le droit. Comment peut-il-vous venir à l'esprit de jouer encore les morceaux que jouait votre fille morte? Je ne le ferai plus. Je te promets, je ne le ferai plus. Sortez. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Je demande pardon, mesdames, du triste spectacle que j'ai dû vous donner pour remédier au mal que, sans le vouloir, votre pitié a fait à cette malheureuse. Comment? Vous avez simulé la colère? Par force, monsieur. Ne voyez-vous pas que le seul moyen que j'ai pour la laisser dans son illusion, c'est de lui crier la vérité comme si j'exprimais une idée fixe, comme si j'étais fou. Pardonnez-moi, permettez-moi de me retirer, il faut absolument que je cours chez elle. Monsieur le secrétaire général, mesdames. Et voilà, mesdames et messieurs, la vérité découverte. La fin du deuxième acte. Le troisième acte va suivre immédiatement. Nous vous donnons entre-temps la distribution, ou plutôt nous vous la rappelons. Jean de Bucourt interprète le rôle de Lambert Laudisio. Jean Meyer, celui de M. Cirelli. Jean Davy, que vous allez voir maintenant, le préfet. Ledoux, M. Panza. Marcel Lemarchand, le domestique. Jean Le Goff, deuxième monsieur. Louis Aymon, le commissaire Centuri. Jacques Ezer, M. Agazzi. Henri Marchand, le vieux monsieur. Madame Berthe Bovy, Madame Frolla. André de Chauvron, Madame Agassi, Jeanne Faber, Madame Nenny, Germaine Gargan, Madame Chini, Hélène Bourdon, Madame Cirelli, Geneviève Martinet, Madame Ponza et Eliane Bertrand Dina. Monsieur le commissaire veut se donner la peine d'entrer, je vais prévenir monsieur le secrétaire général. Monsieur le commissaire, vous avez du nouveau? Oui, monsieur. Bon, très bien. Alors, j'introduirai moi-même, monsieur. Vous avez fait un miracle. Vous sauvez une vie entière. Non, mais vous les attendez crier. Alors, ce sont des informations sûres? Oui, fournies par quelqu'un qu'on a pu retrouver. Ah, parfait. Du même village que monsieur Ponza? Oui, monsieur. Nous avons quelques données de fait, pas nombreuses, mais certaines. Ah. Par exemple? Par exemple, ceci. J'ai avec moi les notifications qu'on m'a transmises. Vous permettez? Merci. Oh, ben dites donc, c'est bien. Oh, parfait. Parfait. Ah. Oui. Oui. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a de certain là-dedans, monsieur le commissaire? Tout ce qu'on a pu apprendre. Oui, eh bien, c'est exactement zéro. Tous les doutes subsistent. Monsieur le commissaire, voulez-vous faire le bien? Voulez-vous rendre un signalé service à la population, ce dont Dieu certainement vous tiendra compte? Quel bien, je ne saisis pas. Quel service? Tenez, asseyez-vous, monsieur le commissaire, je vous en prie. Voilà. Déchirez ce demi-feuillet d'information qui ne contient absolument rien. Et sur l'autre moitié du feuillet, inscrivez quelques informations précises et certaines. Moi, mais comment cela? Quelles informations? Celles que vous voudrez. Comment celles que je voudrais? Oh, monsieur Laodizi, que dites-vous là? Moi? Mais oui, vous, monsieur le commissaire, prenez la parole au nom de ces deux témoins qu'on n'a pas pu retrouver. C'est pour le bien de tous. C'est pour rendre la tranquillité à toute une ville. Comprenez-vous? Ils veulent une vérité. Une vérité extérieure. N'importe laquelle, pourvu qu'elle soit catégorique. Ça les calmera. Mais que me parlez-vous de vérité? C'est un faux que vous proposez de faire. Je m'étonne que vous osiez m'adresser pareille proposition. Et je dis que je m'en étonne pour ne pas dire plus. Faites-moi le plaisir de m'annoncer à monsieur le secrétaire général. Monsieur le commissaire Chanturi, il apporte des informations sûres, données par des témoins. Bravo, bravo Chanturi, j'avais toujours dit qu'il était impossible que vous ne passiez pas. Je vous en prie, un peu de silence. Certainement, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais je ne sais ce qu'a pu vous annoncer, monsieur Laodizi. Oui. Que vous nous apportiez des informations sûres. Oui. Des documents probants. Oui, pas très nombreux, mais probants. Oui, fournis par des témoins qu'on a pu retrouver du même village que monsieur Ponza, des gens qui savent. Voilà, monsieur secrétaire. Mais vous, monsieur Laodizi. Laissez-lui, voyons. Mais je vous en prie, monsieur. Un peu de silence. Je lis. Mais moi, j'ai déjà lu. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, il est certain, indubitable, un compatriote de monsieur Ponza en témoigne, que madame Frola a été dans une maison de santé. Madame Frola! Oh, mais alors, c'est elle qui est folle! Mais non, ce papier ne dit rien du tout! Alors, ce papier dit madame, dit précisément madame Frola. Mais pas du tout! Ce témoin dit qu'il lui semble, il n'est pas certain. En tous les cas, il ne sait pas si c'est la mère ou la fille qui a été dans une maison de santé. C'est la mère, sans aucun doute. Mais pas du tout, c'est la fille! Mais naturellement, il s'agit du moment où on l'a enlevée en cachette de son mari. Parfaitement! Madame Frola dit précisément que sa fille a été à ce moment-là enfermée dans une maison de santé. Et d'ailleurs, le témoin n'est pas du même village qu'eux. Il dit qu'il allait quelquefois dans ce village, qu'il se rappelle plus bien. Qu'il lui semble avoir entendu dire ces choses. Oh, alors ce ne sont plus que des propos en l'air. Mais pardon, si vous êtes tous si parfaitement convaincus que c'est madame Frola qui a raison, mais qu'est-ce que vous cherchez de plus? Finissons-en. Ah, il n'y a pas le préfet qui croit que c'est Ponza qui a raison, je t'assure bien que... C'est exact, monsieur. Monsieur le préfet me l'a dit à moi-même. Oh, c'est tout simplement parce que monsieur le préfet n'a pas encore parlé avec madame Frola. C'est trop naturel, s'il n'a parlé qu'avec lui. D'ailleurs, il n'y a pas que le préfet, il y a d'autres personnes, ici même. Moi, par exemple, je connais un cas tout semblable. Une mère, devenue folle à la mort de sa fille, qui croit que son gendre ne veut plus la lui laisser voir. C'est comme je vous le dis. Et il y a ceci en plus, son gendre est resté veuf, ne s'est pas remarié. Tandis qu'ici, et c'est ce qui justifie encore mieux la folie de madame Frola, il a une femme chez lui. Mon Dieu. Oh, mais voilà le moyen de tout savoir. Mais c'est vrai. Oh, vous avez entendu? Mais voilà le moyen de tout savoir. Mais c'est l'œuvre de Colomb. Mais vous avez entendu? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je ne vois pas. Comment est-ce que vous avez dit? Mais vous avez résolu la question, mon cher monsieur. Un peu de patience. Monsieur le préfet doit venir ici. Oui, nous l'attendons. Mais pourquoi? Explique-toi. Eh bien, il ne faut pas que le préfet vienne ici parler à madame Frola. Jusqu'à présent, il croit ce que dit le gendre. quand il aura parlé avec la belle-mère, il ne saura plus lequel croire des deux. Alors il faut qu'il fasse une chose. Une chose qu'il est seul à pouvoir faire. Quoi? Sa femme? La femme que M. Ponza a chez lui. Questionner la femme? Mais naturellement, c'est vrai. Mais la pauvre, la tient en prison. Mais il faut que le préfet s'interpose et la fasse parler. Mais évidemment, c'est la seule qui puisse dire la vérité. Mais pas du tout, elle parlera comme son mari. Mais oui, si elle parle en tête à tête avec le préfet. Non, mais le préfet peut très bien, en usant de son autorité, imposer à ce monsieur que sa femme se confesse à lui. N'est-ce pas, ça devait dire. Qu'en pensez-vous? Sans aucun doute, si M. le préfet... Oh, il n'y a vraiment plus que cela à faire. Santori, il faudrait l'avertir et lui demander de ne pas passer chez moi comme je lui avais demandé, n'est-ce pas? Voulez-vous courir jusqu'à la préfecture? Mais comment donc, monsieur le secrétaire général? Mesdames, messieurs, mes respects. Ah, ça c'est très bien, là, vous dites. Bravo, bravo, tonton, c'est une fameuse idée. Mais oui, j'avais plus que cela. Non, mais comment diable n'y avions-nous pas pensé plus tôt? Mais c'est naturel. Personne n'a jamais vu cette femme. C'est comme si elle n'existait pas. Mais à propos, êtes-vous bien sûr qu'elle existe? Ah non, écoute, Lambert! Alors tu voudrais à présent mettre en doute jusqu'à son existence. Mais qui vous l'a dit? Qui vous assure qu'elle existe? Mais sa mère la voit, lui, par chaque jour. Et puis, lui aussi dit qu'elle existe. Mais je ne dis pas non, mais pensez-y mieux. Si c'est Madame Frola qui a raison, qui est-ce qui se trouve dans la maison pour lui? C'est l'apparence illusoire d'une seconde femme. Mais si c'est lui, Ponza, qui a raison, c'est l'apparence d'une fille de Madame Frola qui s'y trouve. Le tout est de savoir si ce qui est une fiction, soit pour l'un, soit pour l'autre, est en soi et pour soi une réalité. Eh bien, au point où nous en sommes, moi je commence à en douter. Ah, écoute! Ah, puis tais-toi donc, tiens, tu voudrais nous rendre plus fous. Attention, prenez garde. Prenez bien garde que dans cette grande maison, au bout de la ville, il n'y ait qu'un fantôme. Oh mon Dieu, j'ai la chair de poule. Je me demande de plaisir qu'il éprouve à nous épouvanter ainsi. Mais non, mais là, tu plaisantes. Mais je ne plaisante pas du tout. Qui l'a vu, cette femme? Personne ne l'a vu. Lui en parle, et Madame Frola dit qu'elle la voit. Ben oui, elle se met à son balcon sur la cour. Oui. Qui se met au balcon? Une femme. Une femme en chair et en os qu'on a vu et qu'on peut faire parler, que diable! Vous en êtes sûr? Mais oui, nous en sommes sûrs! Ah, tu l'as dit toi-même! Non, je l'ai dit moi-même, à condition que là-bas, il y ait une femme quelconque. Mais, attention, une femme quelconque ne peut pas être là-bas. Elle n'y est pas. Elle n'y est sûrement pas. Je doute en tout cas à présent qu'elle y soit. Oh, il va nous faire tourner en pourri. Je l'ai rencontré dans la rue avec M. Ponza qui venait ici. Avec M. Ponza? Mais s'il est avec M. Ponza, il va chez Mme Frola. Écoutez, Chatoury, il faudrait l'avertir et lui épargner pour le moment le dérangement de venir jusqu'ici. Voulez-vous courir jusqu'à la préfecture? Bien, j'y vais, monsieur le secrétaire général, j'y vais. Messieurs, je vous demanderai de bien vouloir passer ainsi que ces dames dans le salon. Mais madame, c'est le seul moyen de savoir. Mais toi, Cyrélie, reste ici. Et toi aussi, Lambert. Mais laisse-moi parler, n'est-ce pas? Mais je peux me retirer. Non, il vaut mieux que tu y sois aussi. Ah, le voilà. Mon cher Agati, tiens, monsieur Cyrilli. Bonjour, la visite. Je te demande pardon de t'avoir fait prier de passer d'abord un moment chez moi. Mais pas du tout, je serais venu comme je te l'avais promis. Je vous en prie, Chantori, approchez, asseyez-vous. Alors, Cyrilli, à ce que j'ai appris, vous êtes un des plus enragés dans tous ces cancans sur notre nouveau conseiller. Oh, mais non, monsieur le préfet, croyez-le bien, pas moi seul. En ville, tout le monde est sans dessus-dessous. C'est exact. Mais pourquoi? Oh, écoute, tu ne peux pas t'en faire encore une idée précise, mais nous avons sur le même palier ici la belle-mère. Mais oui, mais je sais bien. Mais non, monsieur le préfet, vous n'avez pas encore entendu cette pauvre femme. Mais j'allais précisément chez elle, oui. Je t'avais promis de la venir la voir chez toi comme tu semblais le désirer, mais... Mais son gendre est venu lui-même me supplier, pour faire cesser tous les bavardages, de me rendre chez sa belle-mère. Voyons, croyez-vous qu'il aurait fait cette démarche s'il n'avait été plus que certain. Mais naturellement, c'est cette pauvre vieille devant lui. Elle dit ce qu'il veut, monsieur le préfet. Et c'est précisément ce qui prouve que ce n'est pas elle qui est folle. Nous en avons fait l'expérience ici nous-mêmes, pas plus tard qu'hier. Mais oui, mon cher, mais c'est parce qu'il lui fait croire que c'est lui le fou. Il m'en a prévenu. Sinon, comment cette malheureuse pourrait-elle vivre heureuse avec son idée fixe, non? Croyez-le, pour ce pauvre homme, c'est un martyr. À moins que ce ne soit elle, au contraire, qui lui fournisse l'illusion de croire que sa fille est morte. Dans ce cas, monsieur le préfet, le martyr, c'est madame Frolin qui le subit, ce n'est pas lui. Quand cette idée, une fois, vous est entrée dans la tête, tu comprends bien, car si tu entendais parler cette femme, mais sans lui, mais tu n'y échappais pas, toi non plus. Ce doute, nous l'avons tous. D'après ce que je vous entends dire, il semble qu'il n'y a pas de doute pour vous. Aucun. Je vous avoue qu'il n'y en a pas pour moi davantage. Dans le sens opposé. Oh. Et vous, Laodizy, qu'en dites-vous? Oh, monsieur le préfet, pardonnez-moi, j'ai promis à mon beau-frère de ne pas dire un mot. Mais qu'est-ce que tu chantes? On t'interroge, réponds! Je lui avais dit de se taire, sais-tu pourquoi? Parce que depuis 2 jours, il s'amuse à tout brouiller encore davantage. Croyez pas ça, monsieur le préfet. J'ai tout fait au contraire pour tout éclaircir. Ah, d'une belle façon. Savez-vous comment, monsieur le préfet? En soutenant qu'il est impossible de découvrir la vérité. Et à présent, en voulant nous faire croire qu'on ne trouvera pas chez monsieur Ponza une femme, mais un fantôme. Ah, mais c'est pas mal, ça. Non, je t'assure qu'il est inutile de l'écouter. Et pourtant, monsieur le préfet, c'est à cause de moi qu'on vous a prié de venir ici. C'est vous qui pensez que je ferais bien de parler avec madame Frolin? Nullement. Je trouve que vous faites bien de vous en tenir à ce que dit monsieur Ponza. Ah, vous croyez alors, vous aussi, que monsieur Ponza... Ah non, non. De la même façon que je voudrais que tout le monde ici s'entende à ce que dit madame Frola et qu'on n'en parle plus. Mais tu l'entends, fais taper ça raisonnement, toi. Un moment. D'après vous, on peut donc croire également ce que raconte madame Frola? Absolument. En tout et pour tout. Exactement comme ce que dit monsieur Ponza. Ah non, mais alors, pardon. Mais puisqu'elle dit le contraire. Je t'en prie, n'écoute que moi. Je n'incline, je ne veux incliner jusqu'à présent ni vers l'une ni vers l'autre de ces versions. Il se peut que ce soit lui qui a raison, il se peut que ce soit elle. Il faut venir à bout de cette affaire. Il n'y a qu'un moyen. Et c'est précisément lui qui l'a suggéré. Ah, lui. Eh bien, j'écoute. À défaut de toute autre preuve, le seul moyen qui vous reste, c'est que tu uses de ton autorité pour obtenir des aveux de la femme. De madame Ponza. Mais bien entendu, hors de la présence de son mari. Pour qu'elle puisse dire toute la vérité. Si elle est bien la fille de madame Frolin, comme nous sommes portés à le croire. Ou la seconde femme de Ponza qui consent à jouer le rôle de cette fille, comme le soutient monsieur Ponza. Et comme je le crois absolument. Eh oui. Eh oui, je crois aussi que c'est le seul moyen. Ah, ce pauvre homme, croyez-le, ne désire rien d'autre que d'arrêter toutes ces persécutions. Il en sera très heureux, je l'ai trouvé très arrangeant. Eh, vous, chers amis, vous retrouverez le calme. Je vous prie, Chalpuri, voulez-vous aller m'appeler monsieur Ponza, c'est sa belle-mère, et priez-le en mon nom de passer ici un instant. À vos ordres, monsieur le préfet. Et mais s'il acceptait? Mais tu vas voir qu'il va accepter tout de suite. Dans un quart d'heure, nous saurons tout. Je vais faire cela devant vous. Comment? Ici? Chez moi? Vous croyez qu'il acceptera d'amener sa femme ici? Laissez-moi faire, parfaitement, ici. Sinon, j'en suis sûr, vous continueriez à supposer... Oh, non, j'en suis sûr. En me voyant ici prévenu en faveur de Ponza, vous penseriez que pour mettre fin à la chose, comme il s'agit d'un fonctionnaire... Non. Je veux que vous en soyez témoin. Ah, où est ta femme? À côté, dans le salon, avec quelques amis. Vous avez établi ici un véritable quartier général de conjure. Puis-je entrer? Voici monsieur Ponza. Merci, Xavier. Avancez, avancez, mon cher Ponza. Asseyez-vous, je vous prie. Vous connaissez ces messieurs, monsieur Cyrilli? Oui, j'ai déjà fait les présentations. Lambert Laodizy, mon beau-frère. Je vous ai fait appeler, mon cher Ponza, pour vous dire que mes amis et moi... Avez-vous quelque chose à me dire? Oui, monsieur le préfet. Je demande aujourd'hui même mon changement. Pourquoi donc? Il y a un instant encore, vous parliez avec moi si raisonnablement. Monsieur le préfet, je suis ici l'objet de vexation inouïe. Mais nous voyons, nous exagérons rien. Vexation? J'entends que vous vous expliquez. Est-ce que c'est de ma part? De la part de tout le monde. Et voilà pourquoi je m'en vais. Je m'en vais, monsieur le préfet, parce que je ne puis tolérer l'inquisition féroce, acharnée, dont je suis victime dans ma vie privée. Elle finirait par ruiner, par compromettre irréparablement un acte de charité qui me coûte tant de peine et tant de sacrifices. Je vénère plus que ma propre mère, cette pauvre vieille. Je me suis vu contraint hier, ici même, à lui parler avec la violence la plus cruelle. Je viens de la trouver chez elle dans un tel état d'accablement, d'agitation. C'est étrange, avec nous, madame Frolla a toujours parlé très calmement. Vous parlez d'agitation, monsieur Ponza, mais c'est vous qui nous avez toujours donné le spectacle, et en ce moment même. Vous ne savez pas ce que vous me faites souffrir. Alors, voyez, calmez-vous, mon cher Ponza. Qu'y a-t-il? Je suis là. Vous savez avec quelle confiance et quelle sympathie je vous ai toujours écouté, n'est-il pas vrai? Oui. Oui, vous, monsieur le préfet. Je vous demande pardon, oui, je vous en suis bien reconnaissant. Alors nous disions que vous vénériez comme une mère cette pauvre vieille. Si ces messieurs montrent tant de curiosité, c'est qu'ils s'intéressent eux aussi beaucoup à elle. Mais ils vont la tuer, monsieur le préfet, je leur ai dit plus de 20 fois. Un peu de patience. Vous allez voir que tout sera fini dès que les choses auront été mises au clair. Il ne faut qu'un instant, une petite minute. Vous avez un moyen. Le moyen le plus simple, le plus sûr, de faire cesser tous les doutes de ces messieurs. Non, je ne parle pas de moi, moi je n'ai aucun doute. Mais... Ils ne veulent me croire en aucune façon. Mais c'est tout à fait inexact. Lorsque vous êtes venu, après la première visite de votre belle-mère, nous raconter qu'elle était folle, nous vous avons cru. Souvent, tu comprends, sa belle-mère est revenue tout de suite après. Mais oui, je sais, tu me l'as déjà raconté. Et oui, n'est-ce pas, elle est venue donner des explications tellement précises et sensées sur les raisons de votre comportement vis-à-vis d'elle qu'il vous faut admettre qu'un doute angoissant peut naître dans l'esprit de ceux qui l'écoutent. En entendant parler votre belle-mère, ces messieurs estiment ne plus pouvoir ajouter foi en toute certitude à ce que vous affirmez. C'est clair, n'est-ce pas? Bon, alors vous et votre belle-mère disparaissez, demeurez un instant à l'écart. Vous êtes sûr de dire la vérité comme j'en suis sûr moi-même. Vous ne pouvez, j'imagine, vous opposer à ce que cette vérité soit répétée ici par la seule personne qui, en dehors de vous deux, est à même de la proclamer. Qui donc? Votre femme. Ma femme? Ah, oh, ça non. Et pourquoi? Ah, jamais, monsieur. Pourquoi donc? Amener ma femme ici pour donner des raisons à des gens qui ne me croient pas? Non, il s'agit de moi. Et quelle difficulté y voyez-vous? Non, monsieur le préfet, non. Laissez ma femme où elle est, on n'a qu'à me croire. Ah, mais pas du tout. Moi, je commence à me dire moi-même que vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on ne vous croie pas. D'autant plus qu'il a cherché par tous les moyens à empêcher sa belle-mère de venir nous parler. Mais que voulez-vous de moi, au nom du ciel? Il ne vous suffit pas de cette malheureuse, il vous faut ma femme encore. Monsieur le préfet, je ne souffrirai pas cette violence, ma femme ne sortira pas de chez moi. Je ne la jette aux pieds de personne. Il me suffit qu'elle ait confiance en moi. D'ailleurs, je vais de ce pas même faire ma demande de changement. Un moment! Tout d'abord, je ne tolère pas, monsieur Ponza, que vous preniez un ton pareil devant un de vos supérieurs. Et devant moi-même, qui vous ai toujours parlé avec la plus grande déférence. En second lieu, je vous répète que votre obstination à refuser une épreuve que je vous demande moi-même et non pas un autre. Et dans votre propre intérêt, et où je ne vois rien de mal, me donne beaucoup à penser. Nous pouvions fort bien, moi et mon ami Agadzi, recevoir votre repas. Si vous préférez, allez jusque chez vous. Vous prétendez me contraindre. Je vous répète que je vous demande cela dans votre propre intérêt. Je pourrais vous le demander comme un supérieur à son inférieur. Très bien, monsieur le préfet, très bien. Et puisqu'il en est ainsi, j'amènerai ma femme pour en finir. Et... qui me garantit que ma belle-mère ne la verra pas? C'est vrai, elle habite à côté. Ah, bah, nous pourrions peut-être aller jusque chez vous. Non, non, non, non, non, non. Non, je vais l'amener ici. Seulement qu'elle ne rencontre pas ici Madame Frolla. Cela aurait d'affreuses conséquences. Non, à quoi allez-vous penser? Si vous préfériez, vous pourriez très bien amener Madame Ponza à la préfecture. Non, non, non, non, non, non, je vais l'amener ici. Puis je resterai chez ma belle-mère pour l'empêcher de sortir. J'y vais de ce pas, et puis nous en aurons fini. Je vous avoue que je ne m'attendais pas de sa part à cette opposition. Et tu vas voir qu'il va obliger sa femme à dire tout ce qui lui plaît. Non, soyez tranquille, j'interrogerai moi-même sa femme. Mais vous avez vu cette exaspération ininterrompue? Vraiment la première fois que je le vois dans cet état. Ah, c'est peut-être l'idée d'amener sa femme ici. De la libérer de sa prison. Cette histoire de séquestration peut s'expliquer sans supposer qu'il est fou. Oui, il dit qu'il la séquestre par crainte de sa belle-mère. Et même si ce n'était pas cela, il pourrait tout simplement être jaloux. Au point d'avoir même pas une bonne, une femme de ménage. C'est lui qui va tous les matins au marché. C'est exact, je l'ai vu moi-même. Il se fait suivre d'un petit garçon qui porte son panier. Et qu'il n'a jamais autorisé à franchir son seuil. Bon, mais il m'a exprimé lui-même l'ennui d'y être obligé. Service d'information plus que parfait. Il le fait par raison d'économie, là, Odizi. Il a deux ménages à faire vivre. Il ne s'agit pas de ça, monsieur le préfet. Croyez-vous que sa seconde femme consentirait à tout cela? Aux plus grossières besognes du ménage. Par égard, pour l'ex-belle-mère de son mari, qui ne sera après tout pour elle qu'une étrangère. Rien, ça ne te semble pas exagéré? Oui, un peu exagéré. Non, mais exagéré pour une seconde femme quelconque. Bah, admettons-le, c'est exagéré. Mais si la chose s'explique difficilement par la générosité, elle s'explique tout à fait bien par la jalousie. Et que fou ou pas fou, il soit jaloux, il me semble qu'il n'y a même pas à en discuter. Qu'est-ce qui se passe par là? Madame Frola! Madame Frola est là! Mais ce père l'hippopote, qu'est-ce qu'elle est allée la chercher? Oh, personne, elle est venue toute seule. Non, mais non, pas à présent, en fait, la sortie. Donc, la sortie tout de suite, ne la laissez pas rentrer. Il faut l'en empêcher à tout prix, s'il a trouvé ici, Dieu nous préserve, vous croirez un guet-apens. Pas fouillé, je vous en prie, monsieur le secrétaire général, je peux bien. Mais je vous dis, madame, de vous en aller, vous n'avez rien à faire ici pour l'instant. Mais pourquoi, pourquoi? Je m'adresse à vous, ma bonne dame. Mais regardez, madame, regardez, monsieur le préfet est là. Oh, vous, monsieur le préfet, je vous laisse aller chez vous. Je vous en prie, madame, je ne puis vous écouter pour le moment. Allez-vous-en d'ici tout de suite. Oui, je m'en irai, je partirai aujourd'hui même, pour toujours, je partirai. Mais non, il ne s'agit que d'un instant, il suffira que vous vous retiriez dans votre appartement. Faites-moi ce plaisir, et vous parlerez après, monsieur le préfet. Mais pourquoi, qu'y a-t-il arrivé? Votre gendre sera ici dans un instant, avez-vous compris, enfin? Ah oui, alors oui, je vous retire. Je voulais seulement vous dire ceci. Par pitié, finissons-en. Vous croyez me faire du bien, vous me faites tous du mal. Vous me contraignez à m'en aller à partir aujourd'hui même pour que vous le laissiez en paix. Mais que vient-il faire ici aujourd'hui? Que voulez-vous de lui à présent, monsieur le préfet? Mais rien, madame, soyez tranquille, soyez bien tranquille et allez-vous-en, je vous en prie. Mais oui, madame, allez-vous-en. Ah, seigneur, vous allez me priver du seul réconfort qui me restait, d'avoir de loin au moins ma fille. Il ne s'agit pas de cela, vous n'avez nul besoin de partir, nous vous demandons de vous prier un instant, mais pour le reste, soyez tranquille. Mais il s'agit de lui, monsieur le préfet, je suis venu vous supplier tous pour lui, non pas pour moi. Oui, c'est bien, madame, mais je vous affirme que vous pouvez être tranquille pour lui aussi. Vous allez voir, tout va s'arranger. Mais comment, je vous vois tous acharnés contre lui. Mais non, madame, ça n'est pas exact, moi je suis là pour le défendre. Vous pouvez être tranquille. Merci. Je vois que vous avez compris. Eh oui, madame, j'ai compris. Je l'ai dit ici devant tous. C'est un malheur que nous avons réussi à surmonter, sur lequel, croyez-moi, il ne faut pas venir. Mais oui, madame, je vous dis que j'ai compris. Oui, monsieur le préfet. S'il nous plaît de vivre comme nous faisons, qu'importe. Nous nous en contentons. Ma fille s'en contente. Et ça me suffit. Pensez-y bien. Sinon, il ne me reste plus qu'à m'en aller. Je ne la verrai plus du tout, même de loin. Je vous en supplie, laissez-le tranquille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Lina! Juliette! Voilà ce que vous avez fait. Je m'en doutais. Vous avez lâchement profité de ma bonne foi. Ne craignez rien. Sortez. Allez. Bonne nuit, mon pauvre petit. Mon pauvre petit. Bonjour. Que pouvez-vous encore vouloir de moi après ce que vous avez vu? Il s'agit, vous le voyez, d'un malheur qui doit demeurer secret pour que le remède que la pitié y apporte puisse encore produire son effet. Mais madame, nous entendons bien respecter cette pitié. Ce que nous voudrions simplement, c'est que vous nous disiez... Quoi ? La vérité ? La seule vérité est celle-ci. Je suis bien la fille de Madame Frolla. Et la seconde femme de Monsieur Ponza. Oh, comment cela ? Oui. Et pour moi, personne. Plus personne. Ah, mais non, madame. Pour vous-même, vous êtes l'une ou l'autre. Non, messieurs. Pour moi, je suis celle que l'on me croit. Voilà, mesdames et messieurs, comment parle la vérité. Êtes-vous satisfait? Vous venez d'entendre en transmission différée diffusée de la Comédie Française, salle Richelieu à Paris, Chacun sa vérité, parabole en trois actes de Luigi Pirandello, version française de Benjamin Crémieux, avec le concours de messieurs Jean Dubucour, Jean Meyer, Jean Davy, Ledoux, Marcel Lemarchand, Jean Le Goff, Louis Aymon, Jacques Hézer, Henri Marchand et mesdames Berthe Bovy, André de Chevron, Jeanne Faber, Germaine Kerjean, Hélène Bourdin, Geneviève Martinet et Eliane Bertrand. La mise en scène était de Charles Dulin. Notre transmission va se terminer à présent par une comédie en un acte de Georges Courteline et Jules Lévy, Le commissaire est bon enfant, avec la distribution suivante. Jean Meyer sera Monsieur Floch, Louis Seignier Breloque, Robert Manuel le commissaire, Georges Baconnet, Monsieur Punaise, Jean Pia un monsieur, Michel Galabru, l'agent La Grenaille, Denise Jean, ce sera Madame Floch, et Jean-Louis Le Goff, l'agent Guérigou. La mise en scène est de Robert Manuel. Nous sommes dans le bureau de Monsieur le commissaire. Autorisé à porter une arme sur moi. Non. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait que je ne le veux pas. Le quartier n'est pas sûr. Il est infesté de souteneurs qui bataillent entre eux toute la nuit et attaquent les passants pour les dévaliser. Or, je suis correcteur d'imprimerie. La profession que j'exerce m'oblige à rentrer tard chez moi. Exercez-en une autre. Je veux bien, trouvez-moi une. Vous voulez rire, j'imagine? Est-ce que vous me croyez dans un bureau de placement? Si on m'attaque, moi, cette nuit... Vous viendrez me le dire demain. Et alors? Alors, mais seulement alors, je vous autoriserai à sortir avec un revolver sur vous. En sorte que j'aurai le droit de défendre ma peau après qu'on me l'aura troué. Oui. Charmant. Ah, puis en voilà assez. Aux ordres du gouvernement, que j'ai l'honneur de servir, je suis ici pour appliquer les lois. Et non, comme vous semblez le croire, pour en discuter la sagesse. Si vous n'êtes pas content de nos institutions, changez-les. Ben, si ça ne tenait qu'à moi... Hein, quoi? Un mot de plus et je vous fais embarquer. A-t-on idée d'un ostrogo pareil, qui vient semer la perturbation et faire le révolutionnaire jusque dans le commissariat? Vous avez de la chance que ce soit bon enfant. En voilà assez, je vous dis. Allez, fichez-moi le camp, ça ne traîne pas. Je vais vous faire voir de quelle voix je me chauffe. Allez, allez. J'aurai l'œil sur cet anarchiste. Priez monsieur Punaise de venir me parler. Bonjour monsieur Punaise. Dites-moi monsieur Punaise, savez-vous bien que votre service est fait comme par un cochon? Et que si cela doit continuer, je me verrai contraint de demander au préfet votre révocation ou votre déplacement. 100 fois monsieur Punaise, 100 fois. Je vous ai ordonné de procéder le matin à un travail d'élimination, de nature à simplifier le mien, et à désencombrer du coup ma tâche, ma table et ma pensée. Mais voilà, je vous aurais chanté Femme sensible sur l'air de M. Malbrook que le résultat serait le même. Voyez-moi plutôt ce courrier. Plainte d'une servante contre son maître qui aurait tenté d'abuser d'elle. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Pas de suite à donner, enlevé. Plainte d'un particulier contre un cocher de fiacre qui l'aurait traité de pourriture. Je m'en bats l'œil. Est-ce que ça me regarde? Enlevé. Bon. Voilà un concierge qui a l'oreille paresseuse et un locataire qui se plaint d'être resté 2 heures à sa porte sous la pluie. Qu'il s'en prenne au propriétaire. Espère-t-il que j'irai lui tirer le cordon? Enlevé encore. Et cette cuisinière qui réclame 8 jours de gage, affaire de justice de paix, enlevé. Et cela aussi, et cela de même. En vérité, monsieur Punaise, je pense que vous êtes absorbé par l'amour, que j'ai trop auguré votre intelligence. En voilà assez. Taisez-vous. Je veux bien être bon enfant, mais je n'entends pas être dupe. Que ce mot vous serve de leçon, c'est d'ailleurs la dernière que vous recevrez de moi. Vous pouvez vous le tenir pour dit. Je vous salue, monsieur Punaise. Je suis d'origine espagnole, mon nom se prononce Pugnet. Au suivant. Ce feu ne va pas. C'est une Sibérie ici. Le commissaire. C'est moi. J'ai à me plaindre. De votre mari. Précisément. Vous voyez, madame, que je suis tombé juste. Eh bien, madame, je ne puis rien pour vous. J'ai le regret de vous l'apprendre, mais j'en ai également le devoir. Monsieur... Ne vous asseyez pas, madame. C'est inutile. Vous allez perdre votre temps et me faire perdre le mien. C'est curieux ce parti pris pour les 3/4 des femmes de considérer le commissaire de police pour un raccommodeur de ménage cassé. Madame, les petites querelles d'intérieur ne sont pas de la compétence du commissaire de police. Sorti des flagrants délits d'adultère, le commissaire ne doit, ne peut intervenir qu'en cas d'entretien de concubine au domicile conjugal. Est-ce le cas de votre mari? Monsieur! Je vous en prie, madame, pas de paroles inutiles. C'est oui ou si mais c'est monsieur, non? Le... Si c'est oui, madame, déposez une plainte au parquet qui me transmettra des instructions. Si c'est non, votre démarche est nulle et non avenue et vous pouvez vous fuir. Mon mari ne me trompe pas! Alors il vous bat. En ce cas, madame, faites constater le fait par témoin. Introduisez une instance en divorce et les juges vous donneront gain de cause. Je vous répète que les femmes ont la rage de s'emparer du commissaire et de le mettre à toutes les sauces. Mais... que diable, madame, soyez raisonnable. S'il me fallait intervenir la branche d'olivier à la main dans tous les salons où l'on se cogne, il me faudrait 60 jours au moins et 40 heures à la journée. Mais monsieur le commissaire, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mon mari ne me bat pas plus qu'il ne me trompe. Non, je parie qu'il est fou. C'est vrai. Vous me rendrez cette justice que j'ai plutôt l'air d'un monsieur connaissant les choses dont il parle. Comment avez-vous pu deviner? J'ai tellement l'habitude de ce genre de choses. Et des histoires comme la vôtre, ma chère dame, je la connais depuis A jusqu'à Z. Et des visites comme la vôtre, je reçois jusqu'à 10 par jour. Voulez-vous un conseil? Un bon? Rentrez donc tranquillement chez vous, préparez votre déjeuner, votre mari n'est pas plus fou que moi. Il est fou, allié? Non. Si? Non. Est-ce qu'il se saoule, votre mari? Du tout. Avez-vous connaissance qu'il ait eu la fièvre typhoïde ou qu'il ait reçu un coup de soleil? Aucun souvenir. Appartient-il à une famille d'alcooliques, d'épileptiques ou d'aliénés? Je ne crois pas. Eh bien? Eh bien quoi? Est-ce une raison parce qu'il n'y a pas de fou chez lui pour qu'il n'y en ait pas un chez moi? Permettez. Il ne boit pas après. S'empêche-t-il qu'il ne fasse rien comme personne, qu'il ne tienne des discours auxquels on ne comprend en goutte et qu'il n'accomplisse des actions sans devant ni derrière, autant dire. Quels discours? Quelles actions? Comment quelles actions? Et les nuits blanches que je passe à l'écouter causer tout seul, combiner je ne sais quoi, menacer je ne sais qui, ruminer des heures entières, sans parler des moments où il saute du lit en chemise, le revolver au poing, en criant je brûle la figure au premier qui touche à ma femme. C'est naturel ça peut-être. Il est jaloux. Jaloux? Oui. C'est facile à dire. Je voudrais bien savoir si c'est par jalousie qu'il s'enferme dans les cabinets pendant des fois 2 et 3 heures pour déclamer tout haut contre la société. Hurler que l'univers entier a une araignée dans le plafond, une punaise dans le bois de lit et un rat dans la contrebasse. Il dit que l'univers entier a un rat dans la contrebasse? Oui, parfaitement. Il voit des fous partout, monsieur. Et avec ça, notez qu'il ne fait plus un pas sans hurler une, deux à tue-tête sous prétexte de se développer les pectoraux. Au point qu'il est devenu la risée du quartier et que les enfants lui donnent chasse en criant la chance. Vous exagérez. Pas de cela. Allons donc, mais si c'était vrai, il y a longtemps que les agents lui auraient mis la main dessus. Il aurait amené à mon commissariat pour scandale sur la voie publique. Les agents ne sont occupés qu'à dresser des contraventions aux marchands de 4 saisons. Les agents sont de braves gens qui se conforment de leur mieux aux obligations de leur charge. Si vous êtes venu ici pour y exercer votre esprit caustique, vous êtes trompé d'adresse. Je suis bon enfant d'écouter vos sornettes. Ne croyez pas que par-dessus le marché j'encaisserai vos impertinences. Pour en revenir à votre mari, vous voulez qu'il soit fou. Vous le voulez à toute force, eh bien c'est une affaire entendue, il est fou. Après. Après? Oui, après, si vous voulez que j'y fasse. Mais enfin, monsieur le commissaire, Vous vous trompiez. Suis-je médecin aliéniste et puis-je le guérir? Non, alors. Car il faut pourtant se décider à dire des choses raisonnables et présenter les faits sous leur véritable jour. Madame, le cas de votre mari, puisque quand il y a, dites-vous, n'est pas du ressort du commissaire, mais bien de celui de l'assistance publique. C'est donc à elle et non à moi que vous devez faire part de vos craintes et déposer votre requête. Je m'empresse d'ajouter d'ailleurs qu'à moins d'un miracle improbable, il n'y sera donné aucune suite. Parce que? Parce que. Il n'y a que les femmes pour poser des questions pareilles. Parce que l'assistance publique n'est pas ce qu'un vain peuple pense. Et que les moyens dont elle dispose sont loin, bien loin, d'être en rapport avec les charges qui lui incombent et sous lesquelles elle succombe. Eh bien, monsieur le commissaire, je vous préviens d'une chose. Mon mari n'étant encore dangereux que pour moi, le moment n'est pas éloigné où il deviendra pour tout le monde. Quand ce moment sera venu, madame, nous avisons. En attendant, comme les asiles regorgent de pensionnaires et de demandes d'admission, que je ne puis procéder d'office sur la première requête venue à la séquestration d'un homme dont l'exaltation cérébrale n'existe vraisemblablement que dans l'imagination de sa femme, que je ne puis enfin, avec la meilleure volonté du monde, perdre une matinée tout entière à rabâcher toujours les mêmes choses sans arriver à me faire comprendre, vous trouverez bon que nous en restions là. Enfin, monsieur le commissaire, vous avez une conversation charmante, madame pleine d'intérêt. Malheureusement, le devoir m'appelle, comme on dit dans les opéras. Conseillez à votre mari la marche, le bromure et l'hydrothérapie. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Vous demandez une audience. Une courte audience. Si courte que cela? J'en ai pour 1 minute. Pas plus? À peine. En ce cas. Veuillez vous expliquer. Monsieur le commissaire, c'est bien simple. Je viens déposer entre vos mains une montre que j'ai trouvée cette nuit à l'angle de la rue Monsieur le Prince et du boulevard Saint-Michel. Une montre? Une montre. Voyons. Voici. C'est une montre, en effet. Il n'y a pas d'erreur. Je vous remercie. Je puis me retirer? Pas encore. Je suis un peu pressé. Je le regrette. On m'attend. On vous attendra? Ah? Oui. Mais... C'est bien. Un instant. Vous ne supposez pas sans doute que je vais recueillir cette montre de vos mains sans que vous m'ayez dit comment elle y est tombée. J'ai eu l'honneur de vous dire tout à l'heure que je l'avais trouvée cette nuit à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Monsieur le Prince. J'entends bien. Mais où? Où? Oui. Par terre. Sur le trottoir? Sur le trottoir. Voilà qui est extraordinaire. Le trottoir, ce n'est pas une place pour mettre une montre. Je vous ferai remarquer... Ah, je vous dispense de toute remarque. J'ai la prétention de connaître mon métier. Au lieu de me donner des conseils, donnez-moi donc votre état civil. Je m'appelle Breloque. Jean Eustache. Je suis né à Pontoise le 26 décembre 1861. De Pierre, Timoléon, Alphonse, Jean, Jacques, Alfred, Oscar, Breloque. Et de Céleste Moucherolle, son épouse. Où demeurez-vous ? 47 rue Pétrel, au premier au-dessus de l'entresol. Quelles sont vos ressources ? J'ai 25 000 livres de rente, une propriété en Touraine, une chasse gardée en Beauce, 6 chiens, 3 chats, une bourrique, 11 lapins et un cochon d'Inde. Ça suffit. Quelle heure était-il quand vous avez trouvé cette montre ? 3 heures du matin. Pas plus. Non. Vous faites l'effet de mener une singulière existence. Je mène l'existence qui me plaît. Possible. J'ai le droit, moi, de me demander ce que vous pouviez bien afficher à 3 heures du matin au coin de la rue Monsieur le Prince, vous qui dites habiter rue Pétrel 47. Comment je dis? Ah oui, vous le dites. Je le dis parce que cela est. C'est ce qu'il faudra établir. En attendant, faites-moi le plaisir de répondre avec courtoisie aux questions que les devoirs de ma charge m'obligent à vous poser. Je vous demande. Ce que vous faisiez à une heure aussi avancée de la nuit, dans un quartier qui n'est pas le vôtre. Je revenais de chez ma maîtresse. Qu'est-ce qu'elle fait, votre maîtresse? C'est une femme mariée. À qui? À un pharmacien! Qui s'appelle? Ça ne vous regarde pas. C'est à moi de vous parler? Je pense. Non, mais vous allez changer de langage, mon gaillard. Vous le prenez sur un ton qui ne me revient pas, contrairement à toute votre figure qui me revient, elle. Ah bah! Mais comme un souvenir. Vous n'avez jamais eu de condamnation. Et vous? Vous êtes un insolent! Et vous, une foutue bête! Retirez cette parole! Ah, mais en voilà assez, vous prenez encore un voyou! Non, vous mais vous parlez c'est avec une fille, ma parole! Comment? Et vous me dites tout à fait qu'on n'a plus le temps de faire rien! Vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous me dites d'un côté, vous Breloque, Breloque. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là s'appelle Breloque? À la rigueur, moi aussi, je pourrais m'appeler Breloque. Si on les écoutait, ils s'appelleraient tous Breloque. Ça fait ripopette, il vient par la fenêtre, par cette fenêtre. Le commissaire! Où est le commissaire? Je peux parler au commissaire? Alors, qu'est-ce qu'il vient? C'est vous, le commissaire? À pas tant de bruit, s'il vous plaît. Vous parlez quand je vous y inviterai. De quoi s'agit-il de la grenade? C'est monsieur qui faisait de l'esclandre à l'angle de la rue Dunkerque du Faubourg Poissonnière en débinant la République. Comme les passants assemblés concouraient de toutes parts au désordre de la rue, nous avons hâté le pas, mon collègue et moi, et avons engagé monsieur à satisfaire de bonne grâce aux lois de la circulation. Sur le refus qui nous opposa, nous l'avons saisi par le bras sans violence et l'avons amené. A-t-il fait de la rébellion? Non, monsieur le commissaire. Vous êtes-il injurié? Du tout. Je n'avais pas de raison pour être malhonnête avec des agents comme il faut. Quant à de la rébellion, j'aime trop l'autorité pour n'en avoir pas le respect. Voilà un principe de conduite auquel vous auriez dû vous conformer plus tôt. Par exemple? Quand les agents vous ont prié de circuler. Oh, ça! Quoi, ça? Je dis... Oh, ça! Dire oh, ça, c'est le droit de tout le monde. Oui! Mais ce qui n'est le droit de personne, c'est de se livrer comme vous l'avez fait à des démonstrations publiques. Et de tenir à haute voix des propos séditieux. La République me dégoûte. Ça n'est pas une raison suffisante pour que vous essayiez d'en dégoûter les autres. Ça encore. Quoi ça encore? Je dis... Ça encore? Ça vous choque? Oui, ça me choque. Et puisque vous le prenez comme ça, le paysage va changer d'aspect. Je vous remercie. Ça encore. Comment vous appelez-vous? Cloche. Avec ou sans S? Sans S. Et votre profession? Je n'en ai pas. J'ai un petit capital qui travaille pour moi. Vous êtes décoré? Qui, moi? Non. Alors ça? Ça? C'est un pense-bête. J'ai la mémoire assez indocile, je vous dirais. Elle a tendance à faire l'école buissonnière, si bien que je suis contraint de lui mettre un licou. D'où ce ruban qui la rappelle quand le besoin s'en fait sentir au sentiment de sa mission. C'est nouveau et ingénieux, supérieur au mouchoir corné qui perd toute efficacité si vous n'êtes affligé du rhume de cerveau, et à l'épingle sur la manche qui a le tort de vous signaler comme étourneau à la raillerie des imbéciles. Soit. Mais si ce ruban ne vous signale pas à la raillerie des imbéciles, il peut vous signaler à l'attention des juges et vous valoir 6 mois de prison. Enlevez-moi ça, hein? Votre âge. Avez-vous idée d'un poète composant une tragédie dans un salon où un professeur de piano ferait des gammes du matin au soir? Non, n'est-ce pas? Eh bien, ma mémoire est à l'image de ce poète. Elle est logée dans un cerveau où le génie fait trop de musique. Vous êtes un faiseur d'embarras. Je vous invite à garder pour vous vos phrases d'apanage dont je n'ai que faire et à répondre à mes questions. Je vous demande quel âge vous avez. 25 ans. L'est-il? 25 ans. Comment 25 ans? Vous avez 25 ans? Oui. Vous les avez eus? C'est bien pourquoi je les ai gardés. Drôle de raisonnement. Drôle en quoi? Il est logique comme une démonstration d'algèbre, lumineux comme un clair de lune et simple comme une âme d'enfant. J'ai eu 25 ans, oui, parbleu. Seulement le jour où je les ai eus, je me suis dit en moi-même, bel âge. Tenons-nous-y. Je m'y suis retenu, je continue à m'y tenir et je m'y tiendrai jusqu'à ce que mort s'en suive. Avec votre permission. Un mot. Il est bien entendu que vous ne vous moquez pas de moi. Je ne vois rien dans mes allures, dans ma tenue ou dans mon langage qui puisse vous autoriser à une supposition semblable. C'est que précisément... J'attendais l'objection! Elle était fatale! En un temps où la raison se promenant gravement par les rues, la tête en bas et les jambes en l'air, on en est venu petit à petit à ne plus distinguer nettement ce qui est le vrai de ce qui est le faux, puis à prendre le faux pour le vrai, l'ombre pour la lumière, le soleil pour la lune et le bon sens pour les gamins. C'est ainsi que ma femme, qui est devenue folle, au contact d'un air saturé de folie, tire des plans pour me faire fourrer à Charenton. Se peut-il? Elle aurait une punaise dans le bois de lit. Et un rat dans la contrebasse. Je suis fixé, monsieur. Le cas de cette malheureuse, qui est à peu de choses près celui de la foule entière, devait naturellement tenter l'esprit d'analyse et de logique d'un moraliste équilibré. Aussi ai-je conçu le projet de l'analyser tout au long, avec ses effets et ses causes, en un ouvrage intitulé du daltonisme mental. Sans doute, mais... Ouvrage d'une haute portée philosophique. Mon Dieu! Fruit de mes réflexions, fille elle-même, de mes longues veilles, monsieur, mais... et dont je prendrai la liberté de vous expliquer les grandes lignes. Monsieur! Monsieur! Pardon. Ah, ça m'embête, cet homme-là. Vous pouvez fermer la porte. Vous voyez, je fais comme chez moi. Oui, c'est bien le temps que vous avez. Ma clé! Votre clé? Oui, ma clé! Quelle clé? Et la clé de serrure. Eh bien. Eh bien, rendez-la moi. Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que j'aime mieux la garder dans ma poche. Vous n'avez aucun intérêt à ce que cette porte soit ouverte. Moi, j'en ai un très grand à ce qu'elle soit fermée. Je veux bien, vous, magistrat officiel, vous mettre dans le secret des dieux. Mais l'aller confier au hasard d'une porte qui peut s'entrebâiller sans bruit, l'aller jeter en pâture à l'oreille indiscrète du premier goussepin qui passe, c'est une autre paire de manches. Monsieur, le vent de folie qui souffle de toutes parts prend naissance dans un quiproquo, dans le malentendu survenu entre la nature qui commande et l'homme qui n'exécute pas, entre les intentions bien arrêtées de l'une et l'interprétation à brousse-poil de l'autre. Si vous ne me rendez pas ma clé à l'instant même, J'appelle à l'aide, j'enfonce la porte et je vous fais expédier à l'infirmerie du dépôt ficelé comme un saucisson. Vous m'avez compris? Ah, merveille. Si vous dites un mot, si vous faites un geste, si vous cessez un seul instant de me regarder dans le blanc de l'œil, je vous envoie 6 coups de revolver par le nez et je vous fais éclater la figure comme une groseille à maquereau. Oh, qu'est-ce qui m'a battu un fou furieux pareil? Commencez pas à le dire. Silence ou ça va mal tourner. Je suis bon enfant mais je n'aime pas les fous. Comprends ça. Le fou c'est mon ennemi d'instinct, entendez-vous? C'est ma haine, c'est ma rancune. La vue d'un fou suffit à me mettre hors de moi quand je tiens un fou à la portée de ma main. Je ne sais plus, non. Je ne sais plus de quoi je ne serais pas capable. C'est la crise, je suis dans le bon drap. Oh, savez-vous que pour un commissaire, vous êtes plutôt sujet au trac? Moi? Ah, vous en avez une, peur. Je vous assure. Ah, faites pas le modeste, vous tremblez encore comme de la gelée de veau. Alors, vous n'avez pas compris? Quoi, je vous faisais une farce? Bon, je tourne la figure d'un homme qui caresse de mauvais dessins. Non, certes, mais c'est ce... Ce quoi? Ce revolver, un malheur est si vite arrivé, ah, comme on dit. Vous dites des enfantillages. Une arme n'est dangereuse qu'au malin maladroit. Et je suis maître de la mienne comme un bon écrivain et maître de sa langue. Mais songez que je vous crève un as à 15 pas et que je vous guillotine une pipe le temps de compter jusqu'à 4. Vraiment? Vraiment. D'ailleurs, vous allez en juger. Ah, quoi, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, vous allez voir. Non, bougez donc pas, craignez, je vous dis qu'il n'y a pas de danger. La balle va vous passer au ras de l'oreille gauche, vous allez l'entendre siffler, vous allez voir. C'est très curieux. Attention! Non, tête sans cervelle! Je vous jure que vous êtes dans l'erreur, vous faites de mes facultés une idée qui n'est pas la bonne! Je sais! Vous êtes le fou traditionnel, classique, celui qui prêche et qui vend la sagesse! Mais pauvre idiot! Tout en vous respire et trahit la démence! Depuis la bouffonnerie de votre accoutrement jusqu'à l'absurdité sans nom de votre visage! Aimable. Et puis qu'est-ce que c'est que toute cette paperasserie? Ça ne sert à rien! Mais si! Et en erreur dans vos sens abusés! Oh, prénom! Et ces cartons? Ça n'a aucune utilité! Eh, permettez! Et ça? Quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du feu! Feu! Du feu au mois de janvier! Eh ben! Et tu bêtes? Alors non! Non, vous ne comprenez pas qu'à moins d'être un énergumène, on ne doit faire du feu que pendant les grandes chaleurs! À cause que la nature, qui seule est toujours à raison, ordonne que l'homme ait chaud l'été comme elle veut qu'il ait froid l'hiver. Éteignez-moi ce brasier. Oh, mais non! Vous ne voulez pas l'éteindre? Si. Et autre! La nature ordonne que l'homme, l'hiver, soit exposé à mourir de congestion pulmonaire, tisi galopante, pneumonie, pleurésie et autres. Ouvrez-moi cette fenêtre. Oh, mais non! Vous ne voulez pas l'ouvrir? Si. Et que ça ne prenne pas! Enfin, elle veut et commande que l'homme, l'hiver, ait les pieds gelés. Enlevez vos godillots. Oh, mais vous non! Vous ne voulez pas les enlever? Si. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le placard au charbon. Bien. Entrez-y. Vous dites? Je dis, entrez-y. Oh, mais... Vous ne voulez pas y entrer? Je ne fais que ça. Home! raison. Je n'en sais rien. Où est pas les lettres, celle-là, par exemple. Voilà son tube. Sa pelure. Son pépère. Oh, nom de Dieu. La fleur. Rien. Rien. Ça m'a donné un coup. Écoute-moi. On m'appelle. À moi. C'est le patron. À moi. Je vais l'appeler. Qu'est-ce qu'il fait là, cher Voltaire? Vous venez d'entendre Le Commissaire et Bon Enfant, comédie en un acte de Georges Courteline et Jules Lévy, avec le concours de Jean Meyer, Louis Seignier, Robert Manuel, Georges Baconnet, Jean Pia, Michel Galabru, avec Denise Jean et M. Jean-Louis Le Goff. La mise en scène était de Robert Manuel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous venez d'entendre en transmission différée, diffusée de la Comédie Française, salle Richelieu à Paris, le spectacle composé de Chacun sa vérité de Pirandello en première partie et en deuxième partie Le Commissaire et Bon Enfant de Georges Courteline et Jules Lévy terminant le spectacle. Nous vous rappelons que la présentation de cette transmission était assurée au début par M. Edmond C. Au micro, André Saint-Marc.